Le plan de cette semaine, assemblage requis à la plage. Les chroniques de David Ferron, Sylvain Landry, Justine Renaud et Véronique Mire. Et aux chroniques maison dont c'est un fait, sortez vos petites pelles. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Sondage Requis à la plage pour la semaine du 6 juin 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On commence l'émission pareil à chaque semaine, mais bon. Non, mais je suis pas là d'habitude. Non. Ouais, c'est ça, moi, ça m'a débalancé. C'est ça, ou c'est tout ce que j'ai sur la tête. Très Donc, on est sur le bord du tout inclus, le célèbre resort de C'est Fou FM, en direct de la Californie du Sud, de l'Ouest. Évidemment, Jean-Philippe, il porte en ce moment des lunettes de soleil parce que Stéphanie nous a mis au défi de porter des vêtements appropriés à notre endroit, à où nous sommes situés, n'est-ce pas? Ben, en fait, moi, mon thème que je voulais proposer, c'était le touriste québécois en Floride. Yeah! Je pense qu'on a l'affaire, hein, Mathieu? Ben oui, ben Mathieu, il a oublié, hein, apparemment. Mais je suis pas tout seul, David non plus, il n'a pas apporté ses affaires. Moi, mais toi, t'es co-animateur, là, tu lis pas les mémos, là. Tu sais, le message que t'as envoyé toi-même, il faudrait que tu... Ça me dit quelque chose. Mais par contre, Colin, j'ai mon corps de plage. Hein. Je me suis vraiment sculpté la forme. Les abdos. Depuis le début, vu que je suis en vacances cet été, je me suis vraiment mis au push-up bra. Il faut remonter ma poitrine. C'est bien. C'est bien. C'est pareil. Hein? Ouais. Donc, Jean-Philippe, tu portes une belle chemise hawaïenne avec planche de surf et tout le kit dessus. Oui. Lune de soleil bleu et un petit swim-aid. Pas swim-aid. Un beigne. Ben, je sais pas trop, là. Moi, j'ai tout appelé ça une bouée. Une bouée de sauvetage sur la tête. En forme de beigne. Magnifique. Orange avec des petits pois blancs. On va mettre les photos sur Facebook pour ceux qui veulent suivre à la maison. Tu nous as apporté des petites casquettes aussi de plastique. Oui, mais seulement la palette, hein. C'est très important. Ouais. Puis je me suis rendu compte que la palette avec des écouteurs, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, non? Hey, j'ai réussi à le rentrer dans les cheveux. Je suis vraiment jaloux. Ça rentre pas pantoute. Et peut-être avec une grosse tête, ça qui va mal pendant mon cas. Hein, mais bon. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on a quand même plusieurs chroniqueurs, plusieurs touristes qui vont venir nous rendre visite sur le bord de la plage comme ça. David Ferron s'en vient dans quelques minutes avec sa chronique La langue dans ton oreille tout à l'heure. Tu peux me lancer ton ballon de plage. Là, un ballon de plage en studio. Ça fait de la bonne radio. Fais ça! Flouche! Très bonne radio. C'est de la vraiment... Marco! Aïe! On se trompe le jeu. On a trop de fun visuel ici. David Ferron, pour La langue dans ton oreille, tu vas nous parler tout à l'heure de quoi, en fait? Est-ce que vous savez qui est France Gall? France Gall. Non, je sais que Stéphanie a des galles. Elle va nous en parler tantôt. Passe-toi, Stéphanie, passe-toi. Attends un peu, là. Non. Hey! OK, pognez pas les jambes, quand. Ben oui, qu'est-ce qui se passe là? C'est malaise, hein? Ben non, je l'attends. J'ai pas la lèvre, je me suis planté en rollerblade. Ils disent tout ça, le monde qui ont la gale. Bon. Donc, on parlera de tes galles tantôt, entre autres, dans non. notre... Peut-être pas. Dans le chronique Les Fails de la semaine, on va mettre Jean-Philippe au courant tout de suite au début de l'émission. Oui, qui est toujours au courant de tout. Trouve-toi un fail. Trouve-toi un fail qui t'est arrivé cette semaine pour la chronique Les Fails de la semaine, c'est bon? La fois où je savais pas qu'il y avait un fail puis fallait que je fasse un fail. Ça serait une excellente idée. Ça serait parfait. T'es toujours le gars qui est... T'es tellement spontané. Je vous lève ma bouée là-dessus. Moi, j'avais pensé à mon histoire de mouette la semaine passée qui a vraiment levé. Ça pourrait être un bon fail pour cette semaine. Bon, parlons-en tantôt. Sylvain Landry va être là pour sa chronique du bon gars. Il va nous raconter, comme toujours, ses anecdotes de la semaine. Justine Renaud va venir nous faire sa chronique Justine procrastine. Et puis Véronique Mire va être là pour la lettre U. Elle qui fait sa chronique de Z à A tout l'été. On a fait Z. W. X, W, V. On est rendu à U. U. Comme dans... Urette. Urette, Uranus. Ukraine. Oui. Usurpé. Non, c'est le distinct. Ça n'est pas écrit, non? Univers. Ura dans le Star Trek. C'est un bon jeu de mots, ça. Il devrait faire quelque chose avec ça. Oui. Hey, je ris tellement que je ris des épaules. C'est supposé être David qui rit. Hey, c'est ça qui tu me fais penser habillé comme ça, mon cher Jean-Philippe. Non. Non, tu sais, Bernie dans le fameux film de 86, oui! Weekend chez Bernie. Oui! Weekend chez Bernie. Oh, oui! Weekend at Bernie's. Hey. Ah ouais, attends, on pourra faire, tu sais, les photos là où il y a deux trucs. Oui. Bon, on va faire ça. OK. Mais deux photos comme. Mais une photo. Là. Non, mais, non, je vais juste. Tantôt, tu vas avoir l'air mort, puis je vais mettre la main dans tes fesses. Comme dans. C'était comme ça qu'il faisait parler Bernie, j'imagine. Non. Wow. On va commencer avec une nouvelle entrée. Vous savez, j'ai la séance à ce moment-là. On combine Assemblage Requis et les Panneurs Assez Fous pour vous présenter le meilleur des deux. Et les Panneurs Assez Fous sont pas mal la seule chose qui survit à part Stéphanie des Panneurs Assez Fous pendant l'été. Hein? Ouais, c'était quoi la question? Ouais, je survis, je suis là. On est du côté francophone cette semaine parce qu'on bascule de semaine en semaine et on va entendre trois nouvelles entrées de ce côté-là. Plus tard, il y aura Mimi Van Der Glo, et Forêt. Mais on va débuter en 20e place du côté francophone. Ça. Qui est la pièce « Tu t'es mise à crier » de Bravo Funken. Bravo! Funken! On va avoir du fun! Ken, c'est dans Barbie. Ken et Barbie, ça? Allez, hey, bonne émission! Wouhou! T'as pas une ballon. OK, lance-moi ça. OK, David! Ah! Fais une force poitrine. Je vais essayer, mais ils ont collé. C'était Forêt. Repose-toi bien sur le nouvel album Forêt. Récent, c'est la deuxième pièce de cet album-là. Et avant, en 20e place, on a entendu... Tu t'es mise à crier de Bravo Funkin. Oui, tu t'es mise à crier comme une maudite folle. Bravo Funkin. C'est quoi ton problème? non, c'est pas vraiment. Pas vraiment drôle. Il nous reste une dernière nouvelle entrée à entendre dans quelques secondes. On devrait pouvoir entendre nos amis de Mimi Van Der Glo, formation locale. Est-ce que vous avez déjà entendu dans votre vie du Mimi Van Der Glo? En tout cas, ça a l'air que c'est bon, mais ça dans ta pipe. C'est absolument très bon. ça date en tabarnouche, leur plus récent album, Radar. Ça fait au moins 2 ans, sinon 3 de ça. Je pense que toutes les pièces de cet album-là ont fini sur le palmarès un jour ou l'autre. Et avant ça, leurs autres albums aussi. C'est un groupe qu'on aime beaucoup, assez fou. Ils sont venus à des lancements de programmation et des associations entre ce groupe-là et nous. Il y en a des tonnes et des tonnes. Mais écoute, ça fait pas longtemps que je suis là, donc je suis contente de pouvoir les découvrir. Exactement, la barre est haute et la barre est tellement haute qu'il faut qu'on les laisse le temps de graver leur CD pendant qu'on laisse le temps filer et que ça donne de la bonne réponse. Non, mais c'est parce que c'est du travail à personnaliser. Tu sais, tu leur demandes un album, puis ils te le font, ils gravent ton nom dessus. Sur demande, puis, à chaque semaine. Et il y a une chanson, il paraît... Là, je dis n'importe quoi, là. Mais ça a l'air, là, il y a une toune, il l'adapte pour toi. Il y a un prénom dedans. Puis là, tu donnes ton nom, puis il chante avec ton nom. Mais il faut qu'il le rechante à chaque fois. Okay. C'est ça, c'est comme... Ah, Linda, nanana. Là, tu demandes, tu t'appelles Mathieu. Ah, Mathieu. Si, mettons, t'as un nom comme Jean-Christophe, mettons. Non, hey, Jean-Christophe. Okay. Ou mettons, un nom avec trop de syllabes, là, tu sais. Hein? Invente-moi un nom avec beaucoup trop de syllabes. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ben, Jean-Christophe, c'est pas pire. Non, c'est pas super. Non? Ouais. Louis. Non, pas Louis. Joseph Armand Bombardier. Voilà. Non, mais il y a un nom de famille aussi. Ben, à moins que ce soit Joseph Armand Bombardier Junior. Premier de nom. Ouais, c'est vraiment premier de nom. Faut qu'il signe ça au complet. Premier sur, de nom. Parce qu'il prévoyait, tu sais, que son enfant un jour allait s'appeler. Premier de nom. Et ceux qui auraient pu penser que cette belle conversation-là allait être assez pour télécharger l'album, faut qu'on aurait tort. On s'est fait savoir. Il en reste comme la moitié. Il nous reste une dernière entrée. On va parler un petit peu des nouvelles entrées du côté anglophone qu'on va faire jouer la semaine prochaine, pour ceux qui s'intéressent. Ben oui. Il y en a beaucoup trop de nouvelles entrées. On va avoir plus tard, la semaine prochaine, en fait, Daft Punk. Nouvel album qui vient de sortir, Random Access Memories. Tabarouette, hey, pour vrai, je veux l'écouter. J'ai envie de l'écouter. Puis on dirait que j'oublie tout le temps de l'écouter. On pourrait se dire. Merci de me proposer ça. David n'est pas d'accord? En fait, j'ai écouté les 4 premières tunes de l'album. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était un ramassis de clichés au lieu d'essayer, parce que Daft Punk dit on essaye de rendre hommage, mais tout en étant créatif. Moi, j'ai trouvé plutôt que c'est un romancier. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est ce que j'ai entendu dire, mais... Moi, j'ai trippé. Je peux lui donner sa chance, puis tu sais, je veux l'écouter. Le meilleur juge pour ça, je pense que c'est nous-mêmes. Tous les goûts sont dans la nature. Et... Mais moi, je l'ai écouté. J'ai même acheté le vinyle, qui est d'ailleurs de très, très bonne qualité. Voilà, c'est dit. Et puis, moi, j'ai trippé. Je l'écoute, je pense, une fois par jour. Je trippe dessus. Tu trippes-tu dessus? Je trippe dessus un peu comme je trippe sur Mathieu. Mais merci. Mais moi, je porte pas une si belle chemise que toi. Est-ce qu'on poste les photos sur Facebook dans les prochaines minutes? Je pense qu'on devrait faire. Oui, pendant la toune. Donc, on disait du nouveau Daft Punk. Peut-être qu'on pourrait se gâter avec une pièce, même si on est en francophone cette semaine, d'ici la fin de l'émission. Je pense que c'est cool. Ah oui, puis à ce moment-là, on fera tirer un CD. Malade. Est-ce qu'on est fou? Mr. David Bowie, Sons et Alice in Chains seront nos nouvelles entrées anglophones la semaine prochaine. Pour l'instant, il nous reste une dernière position en franco à l'entendre dans les nouvelles entrées. Voici la position numéro 18. Qui est Lose Yourself to Dance. Merci Mimi pour le CD personnalisé comme ça. Ça fait plaisir! Si seulement on avait un directeur musical pour regarder ce CD-là. Un peu trop. Nouvelle entrée de Mimi Van Der Glo, oh oui! Formation Trifluvienne qu'on adore. Mets ça dans ta pipe et le nom de la pièce. Oui, monsieur. Ça, ça rock? Ouais. Ça nous a fait rocker aussi avant. Rock. Fait que, comme rock, rock, rock. Tu veux dire dans le sens de rocher, là, parce que c'était dur de faire jouer la toune. Ça, ça s'en rappelle pas. Parlons du problème plein de fois. Maintenant, tiens, tant qu'à accueillir des nouvelles pièces, on a accueilli 3 nouvelles pièces francophones, on va accueillir 5 nouvelles pièces anglophones la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on devrait faire d'abord comme genre de célébration? Moi, je sais qu'on devrait faire des adieux. OK. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, ça a l'air vague comme idée. Moi, j'aimerais ça plus de clarification. OK. Dire adieu à celles qui sont peut-être parties. Une genre de logis, là, comme... Pas mal, c'est une piece. Je pensais que Steph, tu t'y mettrais. Non. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis le précédent palmarès. C'était les extraits des pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis l'édition du 27 mai au 9 juin 2013. Donc, on a dit au revoir aux pièces Mardi Gras de Pierre Quenders, qui est resté 2 semaines. Bah! On a dit adieu à Saran Rap Obscénité, 8 semaines. Et on a dit aussi adieu à Forêt et la pièce Comaki, qui est restée quand même aussi 8 semaines. On a dit à un de ces 4 à Sound City, Your Wife is Calling, qui est resté 5 semaines. Ensuite, East Road avec la pièce Oh Love, 8 semaines aussi. Thomas Darcy, I Wake Up Every Day, 8 semaines. Hunter Valentine et The Pulse, qui est resté 7 semaines. Et on a dit à bientôt à Sons, au Sing City, qui est resté 8 semaines. Wow, les variantes, c'est chic. Pierre Quenders, sérieusement, Mardi Gras et Jacobus, 2 semaines, là, c'est rare. C'est vraiment rare. C'était qui, ça? C'est pathétique, un peu. C'est qui, Pierre Quenders? C'est pas, il y avait un featuring du gars de Radio-Radio là-dedans, ça on le sait. Hey, moi, j'étais tellement pas là, on dirait, dans les autres émissions. Juste manqué la première heure, j'ai manqué les nouvelles entrées. On dirait que j'ai jamais écouté cette chanson-là. Et ben, t'as pas écouté les reprises? Oh! Disponible en balado-diffusion. Ouais. T'es pogné la main dans le sac. Là. Ouais, je fais dur. Ouh, tu fais dur. Presque autant que Jean-Philippe qui a dû quitter le local, le studio, en enlevant sa chemise hawaïenne. Je sais pas pourquoi. Jusqu'à temps que je me rende que j'étais en bédaine. Oui, et que t'avais gardé les lunettes de soleil et la crème solaire sur le bout du nez. Je suis comme, yeah, personne me reconnaît. Je rentre dans le bureau. Hey, c'est Bernie! Oui. Hey, tiens, parlant de fail, comme Jean-Philippe vient de faire en sortant du studio sans sa chemise, voici les fails de la semaine. Donc, fail de la semaine. C'est nouveau, oui, c'est nouveau. On vient de tour à tour. C'est pas quand tu manques ton coup de The Price is Right. C'est exactement ça. Donc, les fails commencent évidemment avec les femmes d'abord. Donc, Stéphanie, ton fail de la semaine, s'il te plaît. Bon. Hey, ben j'espère que ça sera pas ça mon fail de la semaine prochaine. Je vais essayer de raconter quelque chose qui fait un peu de sens. Ben, c'est pas un si gros fail, on s'entend, mais j'avais l'air folle, parce que ça m'arrive vraiment souvent. Donc, moi, j'aime ça beaucoup recevoir à souper. Puis, moi, je décide toujours, je fais tout le temps des nouvelles recettes, donc j'ai jamais rien testé de ça, tu sais. Fait qu'on y va, puis si c'est pas bon, je mets ça sur le dos à Ricardo, tu sais. Fait que là, écoute, l'entrée, ça va très bien, c'est super bon. Là, ensuite, le plat principal, c'était des crevettes, des brochettes de crevettes. Yum. Sur le barbecue. Mm. Fait que là, ils disent de faire tremper tes broches en bois dans l'eau environ 30 minutes pour pas que ça brûle sur le barbecue. Mais tu sais, ça peut brûler quand même un peu, mais tu sais, ça reste là. Fait que moi, je l'ai fait tremper, écoute, vraiment longtemps. Moi, j'ai mis ça à peu près... Tu sais, quand j'ai fait l'entrée, je me suis dit, va voir en masse une demi-heure. Finalement, tu sais, c'est resté là au moins une heure facilement. Fait que c'est 3 minutes de chaque bord, les crevettes. Fait que moi, je mets ça sur le barbecue, faire le barbecue. Je vais aller faire autre chose, genre verser le vin. Tu sais, une autre tâche d'hôtesse. Directement dans ma bouche. Non, c'est très drôle parce que j'ai ouvert justement la bouteille de vin avec ma bouche ce soir-là parce que le bouchon a pété. Fait que moi, j'ai fait ça vraiment droite à la source en plus. En tout cas, bref, je reviens avec mes crevettes. Fait que moi, 3 minutes, je reviens à peu près 2 minutes après. Gros, gros max, ça n'a pas pris le 3 minutes. Ouvre le barbecue. Le feu est pogné là-dedans, mes amis. Les brochettes sont en train de flamber. Il a fallu que j'éteigne les crevettes en soufflant dessus. Désolée, j'ai pas postillonné sur les crevettes. Mais écoute, il fallait que j'éteigne le feu. Tu fais ça comment éteindre un feu de barbecue, tu sais? Bon, tu pourrais fermer le gaz, là. Oui. Mais non, tu sais, ça flambait un petit peu. Non, je vais pas... Hey. C'est l'ouvrage, nettoyer ça. J'aime mieux que ça flambe. Bref, il a fallu que j'éteigne mes petits bâtons de bois. Fait que finalement, le souper, c'était pas vraiment des brochettes de crevettes. C'était des crevettes avec des restants de morceaux de bois dedans. Ça veut dire c'est de la pizza, finalement. Mais c'était très bon. C'était très, très bon. Une fois que t'avais enlevé le morceau de bois brûlé, là, impeccable. Malade. Personne n'a pogné de... Tu sais, des écharpes. Des écharpes dans la... J'avais juste des arêtes dans la tête. Des arêtes de bois. Des arêtes de bois. Ben, les crevettes, ça va dans l'eau, il y a des arêtes là-dedans. Ben oui, si tu vas dans l'eau, c'est bien connu. Ouais, oui. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai éteint mon barbecue à bouche. Excellent. Voilà. Jean-Philippe, le fer de la semaine pour toi. Ben écoute, là, je réfléchissais, puis il y en a aucun qui me vient. Puis pourtant, là, j'en fais des fers là, qui sont assez cocasses, mais là, comme ça, elle brûle pour poil. Ouais. Mettons, tu pourrais avoir une arête sur la langue, ça serait un bon fait. Non, mais j'en ai une, pas pire, mais qu'on m'a conté d'une amie. J'aime ça. Donc, on va garder l'anonymat. Mais cette amie-là était en stage qu'elle me contait dans un milieu... Comment on pourrait dire ça? Ouais, c'est ça, exactement. Non, un milieu, mettons, de rural. Comme, mettons le Festivois, okay. Qui ferait un lancement de presse. Okay. Puis là, tu sais, bon, les gens viennent à la conférence de presse, puis là, après ça, bon, elle fait son speech pour présenter, disons, la programmation. Et puis là, après ça, bon, tout le monde jase un peu, tu sais, il y a un petit cocktail pour que tout le monde jase. Et puis elle jasait avec un monsieur. Puis là, il fait « Ah, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise? » Puis là, elle dit « Bah, tu sais, je suis en stage ici, là, c'est ça mes tâches un peu. » Parle, tu sais, ça fait 2-3 minutes qu'il jase. Puis elle fait « Puis vous, vous êtes qui? » Elle dit « Ah, ben, il dit « Ben, moi, je suis le maire. » Mais hey! En effet, dis-moi pas son nom, là, la fille. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ah, c'était beau, hein? Mais le pire, c'est que je serais probablement pas capable, moi non plus, de reconnaître le maire. Moi non plus. Mais non, vraiment pas. Je sais pas de quoi qu'il y a de l'air. Tu sais, je veux dire, j'ai fait mon stage à une ville que je connaissais pas tant, là. Ouais, j'avoue. Moi aussi, ça aurait pu m'arriver. En fait, c'est moi, là. Je me suis caractérisé dans un corps de femme. Un petit fantasme comme ben ça. Ouais, à des fois, ça m'arrive. Mais d'habitude, ça m'arrive le soir, plus. Quand les je suis fantasmes? Seul, de me déguiser en femme. Ah, OK. Ben, écoute. Ça aurait pu être ça ton fail aussi en passant. Non, tu te mets une partie de notre grand public ado là, en parlant qu'on fait transgenre. Ben non, voyons donc, tout le monde le sait que je tripe ses chimènes, je commencerai pas à chialer. Non, c'est 75% de nos auditeurs. C'est pas transgenre, là. C'est travesti, c'est très différent. Ok, ouais. Non, je sais pas là, ce que tu préfères, moi je connais pas tes préférences. Non, mais c'est pas une question de préférence, c'est une question de parler de JP. S'habiller en femme, c'est pas transgenre, non, c'est travesti. Non, parce que j'ai pas de... Non, on sait. Non. En tout cas, bref, il aurait pu se faire opérer puis rester habillé en gars le jour, là. Dans le fond, c'est comme se déguiser en canard et être un canard. Pareil. C'est comme le beurre et l'argent se passe. Ben, ouais, ah! Plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige. C'est ça. Est-ce que quelqu'un me demande mon fer, là? Hey, Mathieu! Ouais, te connaissant, t'es vraiment loser des fois. Est-ce que t'as un beau fail à nous raconter? Merci. Ça commence bien. Tu voulais qu'on t'introduise? Oui. Ben, c'est ça. Parlant d'introduire, en fait, je passais l'aspirateur hier. À la maison. Et là, l'aspirateur qu'on a d'habitude est un aspirateur avec un très très long tuyau, là, basé sur. C'est ton affaire avec de l'eau dedans, tu sais, basé sur ma personne, tu sais. C'est ça. Le sac à dos. Et ça va super bien, sauf que là, l'aspirateur est brisé, il fait un drôle de bruit. Oh. Donc, on a commencé à utiliser notre ancien aspirateur qui va très très mal et qui a des rouleaux en avant, c'est ça qui ramasse la poussière. Il y a comme des genres de petits peignes après un rouleau, tu sais. Et là, moi, ben, j'ai mon iPhone souvent de brancher sur son fil Lightning dans une prise qui est dans une extension en dessous du divan, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, je vais passer l'aspirateur dans ce coin-là, il n'y a pas de problème avec ça. Oh oh! Et ça a pogné mon fil de iPhone que je viens juste d'acheter à 20$. Oh non! Il était tout entourtillé autour de, du... Ah, entourtillé. Entourtillé. Ça doit faire comme un... Ça a fait ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et ça a dénudé une bonne partie du fil. Quand même. Oh. Et ça a défait le bout du collecteur Lightning. Donc, je suis obligé de m'acheter un autre fil Lightning. Wow! Oh! Triste, mais donc bien sauvage, cette balayeuse-là. Ben oui, ben, puis en plus, ce qui est le fun avec cet aspirateur-là, c'est que tu peux passer sur le plancher une bonne douzaine de fois sans jamais ramasser la poussière. Mais un fil, ouais. Elle te décape ça, là, ah, solide. Ouais. Là. Beau travail. Fait que là, toi, t'es rendu avec deux fils avec du tape électrique. Non, mais là, je l'ai jeté, il est plus bon. Ah, il est plus bon, fini. Tu sais, il mesure un mètre, puis la moitié qui est partie en caoutchouc, ben. Ah, tabarouette! Ben, au pire, rapporte-le puis dis « Ouais, je comprends pas ce qui s'est passé. Là. J'ai branché mon iPhone, puis là, la nuit est passée. » Puis là, si David voulait dire « Ah, les fils d'Android sont tellement faits plus forts, non? C'est pas, je pensais que t'allais faire une blague d'Android. » Ils sont tellement plus polyvalents parce qu'un fil LG puis un fil Samsung, c'est en fait interchangeable. Tandis que... Ça m'apprendra. Il va poser la question. Oui, ouais, t'aurais dit « Ajoute un Android. » Hey Mathieu, en tout cas, je pense à ça, puis fais attention à pas te mettre la main hein, dans balayeuse. Elle va te plumer la main. Ah! Ou d'autres choses, tu sais. Des fois, tu fais une petite sieste. Il y en a qui servent de leur aspirateur pour faire oui, des choses. C'est vrai! C'est vrai, hein? Mais si tu veux des sensations fortes, ça va mieux avec le tuyau pour ça. Ouais. Oups! Mais en tout cas, si t'étais pas circoncis, ça peut être une belle méthode rapide. Un petit coup sec. Ni vu ni connu. Passe comme sur le dos d'une. Voilà pour les fers de la semaine. Ah, Colin, les fers de la semaine, je pense qu'on va faire ça pas mal toutes les semaines. Ça va faire genre... donc, toujours assemblage avec qui à la plage. On continue avec une autre position du palmarès francophone. On va sauter par-dessus quelques trucs. On saute par-dessus les positions 17 à 14. Et je vais vous laisser faire ça à tour de rôle, les petits amis. Position numéro 17. Donc, la position numéro 17, c'est « Ma tête dégèle » de Jean-Philippe. En numéro 16, on avait « Rock Forêt et la drogue en moi ». En 15e place, « Boucan » de Les Indiens. En 14e, oui, c'est là qu'on est rendu, « Atomic Baobab » avec Pink Floyd. Mais on écoute, vas-y. Ah, j'allais dire, ce qui signifie qu'on va entendre la 13e position, qui est « Motel Bonaparte » de Mauve. Bien dit. Au motel sera me servir de 3h15. Dis mon docteur et pas une petite chambre à lui s'il tord. À lui s'il tord, m'a dit ouais. Pas de problème, mon gars, mais faut allonger quelques dollars. Ouais, jusqu'à Rec Pichard, la liège, je tourne dans le char, je tourne dans le char. Et à Quand elle se ramène, je te ramène ma belle, tu vas voir. Monte elle se ramène au milieu des clochons dans l'amour de son. Je t'en ai ramassé à fils un peu le bistrot pour aller boire. Entends dans les anglos que chantonnait ma sweet love, y'en a un qui cherchait des bébés de fac, j'y en ai mis un emploi. Il circulait les mains au visage, il m'a dit, il m'a dit. You can't have a, j'comprends pas, être à côté de moi. Viens t'en compare, direction Hôtel Bonaparte. Je te ramène ma belle, tu vas voir. Monte sur ramène au milieu des clochards de l'amour de soir. Monte sur ramène, je te ramène ma belle, tu vas voir. Monte sur ramène au milieu des clochards de l'amour de soir. Viens t'en compas, tire son motel Bonaparte. Ça nous anime. C F O U 89.1. Toujours à Sondage Rocky avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. Toujours au resort de C'est fou et David Ferron est avec nous pour nous servir. Oui. Ah ouais, waitress, waiter. Non, un pinoculado. Oh, de la marde. Le staff parle mal puis fait des fingers. Moi, je trouve ça inacceptable. Je vois ton gérant. Mais est-ce que... C'est moi. C'est toi? C'est moi ton gérant. Ah, c'est pour ça que l'hôtel est vide cette année, ça explique tout. Oh. Oh. Oh. Non, c'est parce qu'il l'a réservé pour nous. Oui, ouais! Avec le budget de Jean-Philippe. Oui! En coupant des postes. Ah! Ah! Dont celui de David! Yeah! Hey, c'est une gamme d'émotions qu'on vit là. C'est pour ça que t'as les moyens de t'acheter une belle chemise. Oui. Édition spéciale. Elle fait très bien. T'as envie de lunettes de soleil? Ouais, c'est parce que je commençais à comme pas voir ce que j'écrivais sur l'ordinateur. Qu'est-ce que tu fais sur un ordinateur alors qu'on est en vacances? Ouais. Ben, oh, mais il écrit le titre des chansons. Ouais, parce que c'est tellement bon, je veux être sûr de m'en rappeler quand je vais avoir à travailler. Donc, je me les note. C'est important, parce que je me suis rendu compte la semaine passée qu'elle est écrite dans le sable. Ça s'efface. Avec ton pipi. La marée. Oui. Mais oui! Ben, c'est parce que c'est juste que Stéphanie puis moi, on s'amusait à jouer à tag. Non, on n'avait pas vu les mots, on s'excuse. Hein, on a joué dans le sable, puis oui. On a couru dedans. Ah, vous l'avez cherché. On a roulé dedans, on ralentit, puis... Ah. Bon, on les avait pas vus, on voulait juste être en vacances, profiter de la vie, du soleil. Tout simplement, on s'excuse, bon. Ça a ruiné votre job, là. Avant que je te lance le ballon de plage en plein sa tête. Pour, je vais l'attraper avant, voyons. Pour passer pour les fingers, oui, oui, oui. On est sur avec ta chronique? Ouais. Ouais, pas dans sûr, pas dans sûr. Ben oui, est-ce que vous êtes prêts à m'entendre? Apparemment qu'on n'a pas le choix parce que t'es là puis que t'es déjà prêt. Fait que voici la langue dans ton oreille. Ah. C'est bien, Mathieu, hein? Ouais. C'est la version hawaïenne, là? Tout le monde à la maison. Et le chat tout seul! La langue dans ton oreille. Ah, on a amené le chat. Le solo du chat sur la plage. Ah, c'est bien hot. Voilà. C'est un chat des îles. Yes, je suis content, je l'aime tellement ça là. Donc David Ferron, la langue dans ton oreille. Aujourd'hui, on parle de... Ben, ça va être assez complexe. Ah, ok, donc... Ça commence mal, on est en vacances. Ouais, mais je veux pas trop travailler, mon cerveau est à off, moi. Mais je vais vous le remplir, puis je vais essayer de le faire sans que vous en rendez trop compte. Okay. Bonne chance. Ça, ouais. On et... ouvre grand les oreilles. On enlève le sable qu'il y a dedans. Et j'aime ça me lancer des défis, d'ailleurs. Parlant de défis, je vais peut-être en parler éventuellement de la Spartan Race, mais ça, c'est une parenthèse que je fais. OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la gale, pas de la maladie, mais d'une chanteuse qui s'appelle France Gall. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben, moi, le nom? Moi, je connais le nom. Ben, Sacré Charlemagne. Ah, c'est elle qui chantait ça? Ouais. Moi, je connais juste la version des Baby Spice. Elle l'a. Ah ouais, c'est elle qui a fait ouais, ça. Puis elle a d'autres tunes aussi qu'il y a dans l'ordinateur, comme Poupée de cire, Poupée de son. Je sais pas si on peut écouter un extrait, Mathieu, de Poupée de cire, Poupée de son. Là, live, là? Ben, juste, mettons, 80 secondes. Minutes. Non, elle dure pas. Elle dure même pas 3 minutes. Tu m'as mis tout sauf ça dans ton fichier, hein, toi? Poupée de cire et Poupée de son? Ouais. Il est pas dedans. Ah, ben, c'est pas grave, on va l'écouter éventuellement, là. Poupée de cire, Poupée de son. Voilà. C'est ça, j'attendais que tu le fasses, en fait. J'étais trop gêné pour te le demander, mais. C'est quoi cette tune-là? Tu connais pas ça? Ben oui, tu connais ça. Ok, ouais, je connais ça. Merci, Jean-Philippe, d'éclairer ma lanterne comme ça. C'est genre de tune qu'on sait pas c'est quoi le titre, ni l'artiste, mais qu'on sait c'est quoi parce qu'on l'a déjà entendu. Ouais, puis ça fait dans le refrain « Poupée de cire, poupée de son ». Et toutes les versions sur YouTube sont bloquées dans notre pays. Fun! Pourquoi? Es-tu tout nu? Non. Dans son clip? Mais ça, j'y arrive là-dessus, parlant de nudité. Mais non, et en fait, c'est pas il était titan, tu penses? Ouais, mais on voit si c'est la bonne version. On va voir. C'est marqué Jennifer dessus. Sûr qu'elle avait 16 ans. Attends, je pense que c'est la version de Jennifer. Ça. Non, France de Galles. Ouais, c'est... Et ici. Est-ce qu'on l'entend? Ça va bien aujourd'hui, techniquement. Que de bug, que de bug, que de bug. C'est pas grave, on va se rendre. Ah oui. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. On a compris le principe, donc poupée de cire, poupée de son. Mais ouais. Quand elle dit poupée de son, est-ce que c'est son le bruit ou son la céréale? Ben, je pense que c'est céréale parce que c'est une cire et une céréale. Ah, ok. Mais... Moi, je pense qu'elle voulait dire poupée de cire, poupée de son cœur. Ah, t'es donc bien romantique, toi. Non, mais là, je veux dire de son quelque chose. Là. Son comme le mot. Là. Ben, fais juste dire poupée de cire. Mais ouais, non, carmillard. OK. Non, mais ben, ça, c'est... voyons, c'est un déterminant. C'est ce que j'ai dit. Oui, merci. Et en fait, c'est quoi le rapport avec France Gall? Ben oui, c'est quoi le rapport? Vous êtes tous intrigués, hein? Intrigués? Intrigués. Intégrés, je sais pas. Oui, tout à fait. Ben, oui. On est l'air intrigué. Okay. Oui, on était intrigué, David. Hey. Ouais, j'étais à gaz puis j'ai le cerveau lent, ça va pas bien. Ça mixe pas ensemble. En fait, c'est que France Gall a pas fait juste ce genre de tune-là dans la vie. Elle a fait d'autres tunes au cours des années 90, 80, 70. Et il y a une chanteuse, la première gagnante de Star Academy en France, qui a sorti un album reprise de chansons chantées par France Gall. Et là, il y a une grosse controverse qui s'explique entre autres par la question des droits d'auteur, l'interprétation, comment la compagnie disque a fait ça et comment France Gall explique comment ça s'est fait. Parce qu'il y a une grosse controverse là-dessus. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que Jennifer sort l'album et elle dit, et là je le dis très mot à mot ce qu'elle dit, donc Jennifer qui a contacté France Gall selon ses dires. Donc, nous avons communiqué par contrat interposé supposant un conseil. Genre quelqu'un qui entoure France Gall, peut-être un gérant ou n'importe qui, je sais pas trop qui. J'attendais d'avoir vraiment bien avancé pour lui faire écouter parce que je ne voulais pas qu'elle se méprenne sur mes intentions. J'ai eu sa validation. Mais elle est restée à bonne distance. Elle m'a laissé faire comme je l'entendais et c'est le plus beau des compliments. Ça a l'air cute, même. Oui, hein? Elle m'a laissé faire mon affaire sans trop mettre son moi. C'est ça, ouais. Et voici ce que la principale intéressée a dit. Et attendez, ça va fesser. Elle dit, donc elle pour Jennifer, que je valide le projet, qu'elle a mon aval et ça m'énerve. A-t-elle lâché expliquant que la maison de disques ne lui avait même pas envoyé le CD, ni même contacté? Hein? Fait que quelqu'un ment là-dedans, là. C'est ça. Ouais. C'est juste ça qui est la zone floue. C'est comme un détecteur de mensonges. Mais ils n'ont pas le contrat? Ça, j'explique ça dans la deuxième partie parce que c'est ça qui est compliqué, les droits d'auteur et tout ça. Mais là, pour continuer, Jennifer, aujourd'hui, s'est rétractée. Ben, elle s'est pas rétractée. Ce qu'elle dit, j'aurais dû m'y prendre différemment. Je suis passé par un de ses conseillers. On m'a dit qu'elle avait mon numéro. J'ai parlé de validation. J'ai peut-être été maladroite. J'ai cru comprendre qu'elle ne voulait pas se mêler à ça. Donc, j'ai foncé. Elle parle donc bien en mongol, Jennifer. Hey! Elle parle pas de même. Ah, genre, c'est parce que là, c'est un genre que... Mais écoutez, le clip, petit, elle est assez aiguichante. Donc, la compagnie de disques s'en mêle également. Donc, Universal, qui est la compagnie de disques de France Gall et de Jennifer. Et la compagnie de disques dit qu'elle a essayé de contacter France Gall, mais que France Gall n'était pas rejoignable. C'est sûr qu'elle, elle habite la part du temps au Sénégal. Ce qui aide pas. Un courriel, non? Ouais, je sais, mais ça a l'air qu'elle n'était pas rejoignable ou qu'elle n'a rien voulu savoir ou quoi que ce soit. On sait pas trop si elle a reçu le message ou que. Probablement que son cellulaire, il n'y avait plus de batterie. Non, ça doit être sûr. Elle avait pas rajouté des minutes. Mais c'est assez particulier, mais voici ce que. Là, il y a un autre aspect qui s'en vient et dévoilé par la compagnie Universal. France Gall avait peur que cet album vienne parasiter son projet de comédie musicale. Dommage à Michel Berger pour 2015. Petite parenthèse, Michel Berger, c'est l'ancien mari de France Gall qui est mort. OK. Mais qui a écrit et composé des chansons pour France Gall, dont Ella Ella, mais d'autres chansons. Mais pas Le Poupée de Cire. Non, ça, c'est Serge Gainsbourg. D'accord. Donc, c'est un couple que. C'est un peu comme Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot dans les années 60. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui écrivait pour une muse. Ouais. Donc, c'était ça pendant à peu près 20 ans. Donc, pour 2005, donc elle est en train de monter un projet de... 2015. Pour 2015, exactement. Mais aujourd'hui, grâce à Jennifer, ce magnifique répertoire est remis en lumière de la plus belle des façons auprès d'un large public et est découvert de la part des nouvelles générations. Mm-hmm. C'est louche, hein? Ouais. On sait pas qui dit quoi, mais... Bon, on va essayer de nuancer et... D'un côté, nous avons un match de boxe très palpitant. Applaudissons les deux concurrentes. Okay. D'un côté, France Gall, qui a déjà chanté pour Serge Gainsbourg et Michel Berger. Et de l'autre côté, Jennifer, gagnante de la première saison de Star Academy. Ah. Et là, disons qu'en réalité, la salle est divisée en deux parce qu'il y en a qui appuient Jennifer et qui traitent de France Gall de vieilles frustrées. Ça, c'est des filles de moins de 12 ans. Oui. Exactement, mais c'est plate à dire, mais son fan club, c'est ça. C'est à peu près ça. Et d'un côté de France Gall, on dit, ben, c'est un peu poche de la part de Jennifer parce qu'elle a l'air de mentir. Elle aurait pu être courtoise et lui contacter. Là, on ne sait pas c'est quoi la part d'ombre et la part de vérité. Mais voici des faits sur les deux chanteuses. Ou des rumeurs, ou peu importe. Je ne sais pas si c'est des faits. Mais de la part de France Gall, c'est pas la première fois qu'elle bâche sur quelqu'un qui fait des reprises de chansons qu'elle a déjà chantées. Mmh. Véronique Sanson, elle a déjà passé au cash. Véronique Mute, comme on dit en anglais. Vraiment bon. Véronique Mute! Véronique Mute! Yeah! Yeah. Donc, au moins, j'ai pas fait de blagues sur les plaies avec France Gall. Ouais, personne n'a rien dit que j'avais pas fait ça comme Jean Bravo. Mathieu, t'as pas fait de blagues de plaies avec France Gall. En fait, pour France Gall, l'album de Véronique Sanson, c'est une plaie. T'allais la faire, hein? C'est pour ça que t'as pas fait, en fait. De plaie. C'est ça. Mais faut-tu être beau, hein? C'est faut être vraiment au fond du baril pour faire des blagues de plaies. Hein? Ouais, c'est une grosse cicatrice dans son cœur parce que Véronique Sanson a déjà sorti avec Michel Berger. Bon. Tourne pas le faire dans plaie. Ben, c'est ça. Puis l'autre chose, c'est que Lame, qui est une chanteuse qui a pogné un petit peu dans les années 90, fin années 90 en France, elle a aussi fait une reprise d'une chanson que son ex-mari, ben en fait son mari qui est décédé, a écrite et elle n'a pas aimé ça. France Gall n'a pas aimé sa reprise. Et donc, c'est ça. Quand il y a des reprises qui ne font pas son affaire, elle monte au front. Voilà. On dirait qu'elle n'aime pas ça, mais normalement, France Gall, elle est discrète, elle ne fait plus d'albums depuis à peu près une quinzaine d'années. Okay. De toute façon, on va prendre les chansons, on va le dire tantôt, mais c'est pas illégal. Non, c'est ça, là. Gall. Porte la nuance. Gall. C'est légal. Oh. Ah, OK. Une blague sans égal. Gall. Légal. Légal, comme ça. Mathieu, t'es pas galant, mais j'accepte ton nom. Oh, variante. Oui. Hein? J'apprécie et j'approuve, donc j'apprive. Et donc, là, je vais du côté de Jennifer, du côté de la reine Jennifer. Je ne sais pas s'il y a des fans de Jennifer ici à la salle. Mais bon. bruit de criquet entre parenthèses. C'était plus bruit de, d'outils de construction derrière. Ouais, peut-être. Mais c'était comme des grosses, grosses cigales. Oui. Et c'est la de taille humaine. Ouais. Vas-y. Et c'est la mutation. Ouais. Et parlant de cigales, Jennifer Fourmille, c'est une fourmi de la Star Academy numéro 1 parce que c'est la gagnante numéro 1. Là, elle a sorti 3 albums qui ont bien marché, mais ses deux derniers albums n'ont pas marché malgré le fait qu'elle occupe tout l'espace médiatique possible et même impossible en France. Et là, elle a été jury dans The Voice parce qu'en France, c'est pas La Voix, c'est The Voice. Ils ont gardé le titre original. Donc, pendant 2 saisons. Là, la deuxième saison de The Voice vient juste de se terminer. Et là, durant la saison de The Voice, elle annonce le projet qu'elle veut faire une reprise de l'album de France Gall. 9 mois après qu'elle ait sorti son dernier album. Donc, elle dit, c'est une de mes idoles et je l'admire. Mais en même temps, est-ce que c'est pistonné ou pas? Pistonner pour toi, ça veut dire arranger... Mais comme dans l'auto, là, les pistons. Les pistons. Ouais, ouais, exactement. Dans le sens qu'il y en a qui disent que c'est la marionnette de Universal. OK. Donc, elle a eu une commande, elle a subi la commande et là, elle est pognée avec la bullshit. Mm-hmm. Ça serait ça selon plusieurs. D'autres disent que c'est vraiment elle qui a mal fait parce que c'est pas une bonne chanteuse qui reprend bien des chansons qui sont sacrées. Parce que pour certaines personnes, les chansons de France Gall écrites par Michel Berger, c'est comme une vache en Inde. C'est sacré? C'est sacré. Mmh. Oui. Et tabac. C'est à ce point-là, donc il y en a qui disent que France Gall, c'est une vieille fru. Il y en a d'autres qui disent que c'est une vache sacrée. C'est une vieille fru. Mais là, les... C'est tellement avec son public, ça. Vieille fru, yo, yo, dans le dash. C'est à peu près... Ils disent pas que ça comme ça en France, mais ils disent « Ah, ben c'est une sale meuve aigrie. » Ah, voilà. Donc là, on va écouter, en fait, du Beethoven. Ah! Hein? Quoi? Je vais expliquer. Après, on va la faire jouer, en fait. C'est la pièce, puis là, c'est une pièce à rallonge. Là. Le nom, c'est Sonate au piano en fa mineur, opus 2, numéro 1, mouvement 4, qui s'appelle le Prestissimo. C'est long, mais on va écouter ça, puis je vais expliquer pourquoi après. C'est la langue dans ton oreille, dans l'ensemble de la plage. Attendez à peu près une trentaine de secondes, puis écoutez. Je l'avance de 30 secondes. Thank you. C'était le titre à rallonge, sonate au piano en fa mineur, opus 2, numéro 1, mouvement numéro 4, qui s'appelle Prestissimo. Complémentaire? Non. Décomposable dans les deux sens. Mais bon, pourquoi faire jouer du Beethoven? Ouais, rapport, hein? Pour ceux qui sont attentifs ou qui sont très bons en musique, c'est que Serge Gainsbourg, quand il a écrit Poupée de cire, Poupée de son, il s'est inspiré d'une partie de cette pièce-là pour composer la musique de Poupée de cire, Poupée de son. C'est juste ça. C'est simple, dans le fond, hein? Ben oui. Puis je vous fais découvrir Beethoven. En même temps, on varie les styles. Ben oui. Là, je vais enfin parler de l'aspect épineux des droits d'auteur. C'est est-ce que c'est complexe? C'est pas complexe. Non, c'est juste différent. Faut le comprendre. Okay. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre, mais moi, je suis lent à comprendre. Donc, comment ça... J'aurais rien dit. C'est que comment ça fonctionne, c'est que, par exemple, ici, normalement, quand tu veux reprendre une chanson, il faut que tu payes l'artiste ou l'auteur-compositeur. Mm-hmm. Ou, je ne suis pas trop par cœur, mais en France, tu as le droit, par exemple, que quelqu'un comme France Gall fait Poupée de cire, Poupée de son, Jennifer et la maison de disques ont le droit de le refaire sans avoir la permission. OK. Ils ont le droit. Ça peut être mal vu par l'artiste après, mais légalement, ils ont le droit. Ben, en fait, c'est que là, ils rentrent en fait quelque chose qui s'appelle, et là, c'est là qui est compliqué, c'est le droit moral. Okay. Est-ce que la reprise porte préjudice à l'œuvre? Est-ce que c'est pour niaiser l'œuvre ou est-ce que c'est pour lui rendre hommage, mettons? C'est ça. Est-ce que on a transformé ça en rap? Est-ce que... C'est ça, qu'est-ce qui est arrivé? Une grosse version métal de France Gall, mettons, ça passerait moins. C'est ça, est-ce qu'on a changé les notes? Est-ce qu'on a changé les paroles? Si ça, oui, à ce moment-là, va falloir qu'on ait la permission écrite. Mais tant que les mélodies et les paroles ne sont pas changées, c'est correct. Sauf que il y a quand même le côté courtoisie d'appeler ou de contacter la personne pour dire « Je fais un disque pour toi ». Et là, c'est là qu'on sait pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est là la zone grise de savoir est-ce qu'on a essayé de contacter France Gall? Est-ce que France Gall a... Qui ment là-dedans? C'est un « he says, she says ». Ouais, mais rendu là, ne pas être courtois, est-ce que c'est illégal, ça? Ouais, tu sais. Ça manque de classe. Ouais, mais tu peux pas aller en cours pour manquer de classe, c'est vrai, là. Ça. Non, c'est ça. Puis même France Gall dit « je peux rien faire parce qu'ils ont le droit ». Puis même France Gall le dit, sauf que ce qu'elle a pas aimé, c'est qu'elle a comme l'impression que... Elle a massacré ses tunes, ouais, qu'elle a chanté. Ben, Sophie de Star Academy, on peut pas s'attendre à plus que ça, alors. Qu'elle a scrappé des tunes. Ouais. Non, c'est ça. Puis en plus, elle s'est pas reconnue là-dedans. Qu'est-ce qui arrive, c'est que France Gall, elle a eu une relation quand même assez intense avec Michel Berger. Pardon, Michel Berger. Berger. Ouais. The Verge. Ah. By The Verge, Berger. Michel Berger. Donc, c'est sûr que c'est pas elle qui écrit les tunes, donc elle a pas de droit d'auteur en tant que tel, sauf que... Dans la mémoire collective, c'est le duo qui a écrit des tunes mémorables. Ouais. Sauf que elle, c'est la veuve, donc c'est elle qui gère les droits d'une certaine manière. Donc, par contre, même si elle n'a pas eu, elle n'a pas donné de permission ou quoi que ce soit, elle va quand même avoir des redevances. Pourquoi? Parce que quand un auteur-compositeur en France écrit une tune, elle le donne à la SACEM, qui est la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique en France. C'est comme la SACEM au Québec. Ouais, à peu près. Okay. Donc, c'est La SACEM, que les droits. C'est plus l'artiste en tant que tel, c'est la SACEM. Donc, tu mets ton âme à la SACEM. D'une certaine manière, donc, c'est... En fait, c'est devenu une œuvre publique, si on peut dire ça comme ça. Donc, n'importe qui peut prendre la chanson. Sauf que, par contre, il faut que la maison de disques verse une redevance à la SACEM qui, à son tour, va redonner une redevance à l'artiste original. Sauf que France Gall n'a pas écrit de tune, n'a pas composé, elle a chanté, si on peut dire ça comme ça. C'est une interprète. Oui, c'est vraiment une interprète. Donc, le monde se demande pourquoi elle pète une coche, c'est même pas elle qui a écrit des tunes. C'est vrai ça. Sauf que d'un côté, il y en a qui disent, ben regarde, il y a juste France Gall qui pouvait chanter, évidemment. Il y a juste... Elle est associée à ça, c'est vraiment son image, là. C'est elle. Mais c'est comme, par exemple, Edith Piaf, même si elle n'a pas écrit, par exemple, La vie en rose. Ben, c'est associé à elle. C'est ça, quelqu'un qui fait un cover de La vie en rose, c'est mieux de bien le faire. Ouais. Bon, c'est vrai qu'Edith Piaf est morte. Oui. Il y a ça. Puis en plus, c'est et, ça. Et trois pieds sous terre. Ben, parce qu'il est très petit. Ouais, mais il la met en autre position, c'est ça, il la met pas debout, il n'enterre pas les gens debout, Mathieu. Mais la blague marche pas. Ah, ouais, c'est ça, ça tombe à plat. Oh! Quand même, oui. On rit plus, rit pilaf. Non, pilaf, ça, on n'est pas très galvanisé pilaf. Par les jokes de Mathieu, galvanisé. Là, tu te tires par les cheveux un petit peu. Ben non. Galvanisé, Gal. Ah! Ah! Galvanisé. France Gall. France Gall. Wow. Chien d'appogné. Les lèvres dépassent, non? bravo. Mais en fait, c'est ça. Donc, même à ça, ce qui fait en sorte que France Gall va gagner du cash, mais Jennifer, pas beaucoup, si elle vend pas beaucoup d'albums. Oui. Mais le problème, c'est qu'elle est en top 2 des albums les plus vendus avec 28 000 copies, ce qui est deux fois meilleur que ses deux albums précédents. Sauf que ça a l'air que l'album plonge et que là, on prédit que 40 000 albums. Là, est-ce que cette fois-ci, la compagnie de disques va l'aider, va la soutenir, va lui donner des rôles au cinéma? Est-ce qu'elle va lui donner un... C'est ça qui est nébuleux. Mais il y en a qui disent que c'est la fin de Jennifer. Et... Ah, ça? Ah oui, mais elle était déjà fini d'une certaine manière. Ça a juste achevé. C'est juste que l'album, il y en a qui disent que l'album de reprise, c'est un bon moyen de reniper la carrière de Jennifer, alors qu'il y en a qui disent qu'au contraire, ça la cale. Mais, c'est du génie, frère! Mais justement, là, est-ce qu'on a le temps d'en parler tout à l'heure concernant ça, les reprises? Ah ben, ça part de trop nous stresser le temps. Ben, ce qu'on va faire, en fait, on va écouter une chanson qui s'appelle « Diego libre dans sa tête » qui parlait des dictatures en Amérique du Sud lors des années 70. Ça a été écrit par Michel Berger. France Gall l'a interprété. Et là, on entend la version interprétée par Michel Berger. Parce qu'il est où, ces chanteurs? On écoute ça. C'est « La honte dans ton oreille » avec David Ferron. Sur les ondes de 89.1 FM. Ah, OK. Ah. C'était... Directement d'Outre-Tombe? Non, il n'est pas mort, France Gall, finalement. Non, elle est là, en studio. Derrière des barreaux, pour quelques mots, qu'il pensait si fort. Dehors, dehors il fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Danse ma vie, qui chante et qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort. Ben, c'est normal, ça parle de dictature en Amérique du Sud, c'est normal que ça soit pas joyeux, mais Jennifer reprend aussi cette chanson-là. Oui, il était mort quand il l'a chanté. Ah, c'est méchant. Ouais, c'est lui, il est mort, il écoute pas. Donc, c'est la fin qui le dit. Ouais, qui se lève debout dans sa tombe. Donc, David, c'est la langue dans ton oreille. Oui. On parle encore une fois de Jennifer qui a repris une chanson de France Gall. Ben, en fait, c'est même pas une chanson, c'est un album au complet. C'est ça, exact. C'est seulement les chansons d'un album et non pas plusieurs chansons sélectionnées à travers sa carrière. Non, en fait, la part des chansons, c'est Michel Berger qui a écrit ça, mais elle a repris aussi des chansons écrites par Serge Gainsbourg comme Poupée de cire, Poupée de son, qui est en fait le premier single. Et là, Mathieu et même Jean-Philippe et à beaucoup d'hommes et même à quelques femmes, si vous regardez le clip, vous pouvez le mettre sur mute. Ah, là, on parle de Jennifer. C'est sous-titré. Non, c'est sous-titté. C'est tout-titté. Sous-titté. Des titties, des seins. Donc, ça, vous pouvez voir le clip de Poupée de cire, Poupée de son de Jennifer, qui est affriolante, déguisée en secrétaire, sadomaso. Ouh! Tout ce qui est original et non cliché. Good. Ben oui. Merci, David. C'est bien ça? Ben oui, ça me fait plaisir. Mais en fait, j'avais une question avant à vous poser. Vous, les... Très vite, vous, les albums de reprise, qu'est-ce que vous en pensez? Pas friande, moi. Personnellement. Ça dépend. Ça peut être bien fait. Si c'est, moi, il faut que ce soit au moins un petit peu différent parce que c'est pareil autant que ça me coûte de l'argent. Mais parce qu'en fait, si j'aime la version originale, probablement que j'aimerais pas les autres versions. Mais si j'aime pas la version originale, ben, ça peut juste être mieux. Ben, mettons les Lost Fingers. Ouais. Tu sais, ils ont été populaires. Ouais, tout. Mais ça sonne tout pareil, le tout, non? Ouais, mais très différent des chansons originales. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'est parce que quand t'en as écouté une, t'es tout entendu. Ouais. Fait que j'ai aimé comme une toune, puis après ça, bon, on se tente très vite, selon moi. Mais l'idée était bonne. Ouais. J'aime bien les covers en général, j'en écoute. Ça m'arrive, mais je suis capable de poule. Je comprends pas l'intérêt de les faire, mais quand il y en a, ça me dérange pas. Tout le temps. J'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Puis toi, David? Les reprises, ben c'est sûr que ça permet de faire connaître un interprète, quoi que ce soit. Moi, c'est con à dire, mais Serge Gainsbourg, j'ai souvent découvert avec des covers. Mais en fait, je pense que ce qui est bien avec les covers, c'est si tu prends des chansons qu'on n'entend plus aujourd'hui. Ça, c'est le fun si tu vas chercher quelque chose de bien, bien vieux, que tu le ramènes, que tu l'actualises. Mais si tu prends quelque chose qui est sorti comme il y a à peine quelques années, je trouve que là, ben, c'est un bof. C'est ça, comme France Gall, même si ça fait 30-40 ans, c'est, il paraîtrait que ces chansons jouent encore. Mmh. Donc, c'est comme un peu Joe Dassin à l'autre radio. Ouais. À toutes les autres radios. Qui a une couleur qui n'est pas mauve ni jaune, mais. Ils sont pas mal toutes la même couleur. Fait que, tu sais, on a beau faire des blagues sur le rouge, ça décrit chacune des autres radios de toute façon. Fait. Même la nôtre. La plupart du temps. J'aime ça, Joe Dassin, moi. Petit Joe. Bon. Est-ce que tu veux qu'on se quitte avec Serge Gainsbourg? Ben oui, en fait, on va écouter les sucettes, mais les sucettes, c'est pas une friandise faite avec du sucre. Ou... C'est comme un hickey dans le cou. Ouais. C'est pas le quand t'embrasses quelqu'un dans le cou, mettons, puis ça fait un... Peut-être que France Gall, quand elle avait 17-18 ans, quand elle a chanté ça, elle pensait que c'était ça. Alors que Serge Gainsbourg, grand pervers devant l'éternité, avait une autre vision. Et là, c'est lui qui la chante. Fait que ça fait un petit peu vieux pédophile, mais c'est quand même une toune pas pire pareil. Ah? C'est troublant. Parce qu'il y a France Gall qui la chante. Jennifer, malheureusement, la reprend pas. Ah, triste. On écoute ça. Merci, David. Oui, ben bienvenue. Lorsque le sucre d'ange parfumé à la nuit coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Pour quelques pénis, Annie a ses sucettes à la nuit. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des joues heureux. Annie aime les sucettes à la nuit, les sucettes à la nuit de nuit. Donnent à ses baisers un goût harmonisé quand elle n'a sur sa langue que le petit bâton. Elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques pénis. Annie, elle s'est sucette à l'année. Elles ont la couleur. C'était Les Sucettes, chantées par Serge Gainsbourg, qui a écrit cette toune-là pour France Gall, qui ne savait pas de quoi la toune parlait. Une chance. C'est naïve, ouais. Hein? Ouais, mais à l'époque, la manière d'aborder la sexualité n'était pas la même, paraîtrait-il. Donc, elle a dit, ah, ben, ça doit être friandise avec... C'est une friandise. Mais quand tu le croques trop fort, ça peut pas juste faire mal aux dents, ça peut faire mal ailleurs. Ouais. À peine de subtilité ici. Jus de fruits à l'intérieur. Ça a plus rapport avec les... Ouais, non. Merci David Ferron. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine pour une autre chronique La langue dans ton oreille. Ouais. Au revoir. Au revoir. C'est beau, c'est beau. C'est la fin de la première partie de l'émission sur 4, là, mettons. On se retrouve tantôt avec Sly, sa chronique du bon gars. Il s'en vient. Il va nous parler de plein de choses. Je sais qu'il est allé à la pêche. Mais c'est, ah ouais, c'est hein? Ça, ouais. À pêche à quoi? Au poisson! Au poisson! Quelque chose de gluant et écailleux. Hein? Ça n'a pas rapport avec le... Non, pas tout. Okay. C'est les sucettes, ça. Sucettes? Reste là. Pour la semaine du 10 juin 2013, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, toujours au tout inclus de C'est fou sur cette belle plage de sable mouvant. Émouvant. Sable émouvant. Moi, ouais, j'aime mieux ça, sable mouvant. En vrai, j'ai comme pas le goût de me noyer dans du sable. C'est tellement pas agréable d'avoir du sable dans la bouche. Il faut en plus que j'en ai dans le nez, dans les oreilles, dans les yeux et tout. N'importe quel orifice, c'est ça. N'importe quel orifice, c'est pareil. Hein. Effectivement. Est-ce que c'est bon d'en avoir? Vite de même, non. Sly? Un orifice, c'est bon d'avoir du sable. 3, 2, 1, non. Un orifice, c'est droit bon. De réplique. Regardez, clair. Okay. Nombril. Ah, oui, un nombril, c'est vrai. Ben oui. C'est vrai, ça. Mm-hmm. Ouais. Hey, sais-tu, Sly, il est très, très bon à Garde des Clans. Puis si l'animateur de Garde des Clans, tu sais, son petit nom, c'est quoi déjà? Jean-Denis. il dirait, ben, crime, c'est le bon gars. Hein? Quand je vais être le bon gars. Pas d'alcool, pas de tabac. M'en reste tranquille. Si m'en paye mes billes. M'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Quand je vois des bons gants. Pas d'alcool, pas de tabac. M'en mettre des bobettes. M'en lire la gazette. M'en checker les sports. M'en compter les morts. M'en passer mon check-up. M'en va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, mon forcé en ciboire. Salut, quand Sly, ça va bien? Salut Mathieu. C'est le bon gars. Salut JP. Problème de slot. Salut la fille. Oh, ben il y a toujours des problèmes de slot avec Sly, hein, il est tellement productif. Côté slot, c'est trop bas ça, hein, c'est trop bas. Hey Sly, t'es en retard mon sacripant. Ouais, je suis désolé. J'étais avec Lisa. Lisa, ta belle, ta poule. Y'a pouboule. Ta pouboule. Non, pas ma poule pondeuse, là. La vraie, mon ex. qui a pas trouvé la joke de poule très drôle, d'ailleurs, la semaine passée. Alors, je tenais à m'excuser. Bon, c'est surtout qu'elle est en train de faire mon travail de session, là, mais... Hey! Toi, tu fais rien, non? Puis, à part délégué, qu'on appelle, délégué. Ouais. Puis, je t'entends aussi parce que là, j'avais encore oublié ma clé USB à la bibliothèque. Fait que je suis passé par là en vitesse. Écoute, toi, tu m'appelles par mon nom, hein? Oui, Sylvain, on l'a taclé, là, je veux dire, c'est quotidien, mon affaire, là. Puis, j'ai pas eu le temps de charger mon téléphone non plus. C'est quelqu'un qui aurait une prise pour plugger un téléphone Android... Que je vous montre mes photos de pêche. Non, vous êtes tous avec Apple, hein, vous autres, ma gang d'étudiants de hippie-coréo. Et la plupart de nos produits sont encore en bon état en ce moment. Non, mais moi, j'ai essayé ça à iPhone une fois aussi. Hein. Ouais, j'ai acheté, puis là, j'avais un trouble, ça marchait pas, j'appelle. Fait que le gars au téléphone, il dit « Bonjour, Monsieur Landry, bienvenue chez la grande famille iPhone. » Hey, j'ai dit « Toi, le hippie, là, c'est pas parce que t'as couché avec ma soeur, t'es dans ma famille. » Il dit « Non, c'est pas ça. » Il dit « Hey, il dit, on traite tous nos clients comme ça ici. » Ben, je dis « M'en t'en faire une famille, je divorce. » Fait que j'ai retourné ça au magasin, puis ça a été fini. Mais donc, ça se fait, tu peux te faire rembourser un produit à la poste? J'étais pas sûr. T'sais. À vrai dire, c'est par le gars, là, c'est par ton pourvoyeur de téléphonie, en fait, qui, lui, te donne une garantie illimitée de un mois ou trois semaines ou 15 jours, là, que si t'es pas satisfait du produit. Je sais, j'ai sorti le mien 4 fois. Ah. J'en ai essayé plusieurs. Mm-hmm. Pas un client facile, hein, moi. Non, tu me veux pas. T'as l'air à savoir ce que tu veux et tu sais quand le vouloir. Ouais, en effet. Fait que je trouve ça cute, vos petits costumes. On s'est pas tous autant forcés. Ah, rien, moi, j'ai pas le mien, mais je me suis fait des favoris à la Mathieu Plante, par contre. Hey, merci, ça pousse comme du gozon, cette affaire-là. Du gozon. Ouais. Viens là! Ouais. Fait que c'est ça. Tonton Sly parmi vous aujourd'hui. Tonton Sly, t'es rendu mon oncle, toi? Ben, à vrai dire, c'est quatre petites jeunesses dans mon deuxième cours là, qui m'ont baptisé comme ça. Ben, à vrai dire, c'était c'est mon oncle cochon, là. Ah, mais je trouvais ça plus beau, Tonton Sly. Mm-hmm. Fait que on va y aller comme ça. C'est très proche du surnom que tu utilises pour eux autres aussi, hein, Tonton. T'as ton 1, t'as ton 2. Aïe, c'est pas moi qui l'a dit. Non, mais c'est ça, là. Parlant de mon oncle cochon, c'est ça, on est allé à la pêche. Okay. Puis j'étais avec mon chum Mike. Là, ça, c'est un nouveau, là. T'avais Ty Luke, t'avais... Ouais, ouais. À vrai dire, là, quand je vous ai parlé de la tournée de Bessic là, qu'on a faite aux danseuses, j'aurais dû vous parler de Mike. C'est important, lui. Affectueusement appelé Mike les danseuses. Parce que il est tout le temps là, tu sais. Il est tout le temps là, mais tu sais, on n'ose pas trop l'amener. Parce que premièrement, lui, il a pas une vraie moto. Tu sais, il y a une espèce de tricycle de sexagénaire, là. Non, tu sais, les Bessic à trois roues, là. Que les touffes grises se promènent avec ça, puis ils font salut aux motos comme si ça n'était, là. Fait que là, Mike, il arrive tout content avec son tricycle de sexagénaire à toutes les fois. Puis là, partout quand on va au danseur, c'est tout le temps à lui, la vedette, tu sais. Quand il est pas là, « Oh, il est où, Mike? » C'est parce que ça a commencé, OK? C'est qu'au début, ça marchait pas. Ça marchait pas son affaire avec les femmes. Puis il allait aux danseuses, puis il était tout le temps tout seul, puis il s'occupait comme pas de lui. Fait que là, j'ai expliqué qu'il fallait qu'il comprenne que les danseuses, tu sais, une danseuse, ça marche pas à l'eau. Hein? Ça prend un peu de sang-plomb là, pour la faire opérer. Fait que là, lui, je sais pas comment il a interprété ça, mais il s'est mis à faire des muffins. OK? Pour y donner des muffins? Ouais, il donne des muffins. T'sais? Parce que muffin, tu sais que c'est aussi un euphémisme pour l'entregent féminin en anglais. Je sais, mais là, on parle bien là, d'une espèce de petit gâteau anglais au son là, okay. avec des raisins puis de la farine. Là. Mais pas la bonne farine pour les danseuses. Non. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Je dois avoir dit farine à quelque part dans mon anecdote c'est les danseuses, puis il a pensé qu'il fallait qu'il fasse des muffins. Mais anyway, ces muffins qui n'étaient pas très bons au début sont devenus célèbres. Mais ça, non? Ils s'y arrachent. J'ai dit, toi, une fois, je vais prendre une bière à Mike qui n'est pas avec toi. Ah, ça fait au moins 3 jours, il n'est pas venu me porter des muffins. Puis là, ça a commencé dans les bars de danseuse. Puis après ça, partout. Hein? À l'épicerie, à la pharmacie. Ah, Qu'est-ce pas le drague? T'es pas avec Mike. Il ne nous a pas apporté des muffins. En tout cas. Fait que c'est ça, on était à la pêche. Moi, Mike, puis M. Magny. M. Magny est un autre de mes très... très bons amis. Un nouveau père de famille aussi. Okay. Ils se reproduisent tous, mes chums. Je ne sais pas ce qu'ils ont ces temps-ci. Des lapins. La crise de la trentaine, là, des vrais lapins. Fait que M. Magny, on va féliciter pour la naissance de son beau bébé. C'est un gars extrêmement intelligent, là, brillant. C'est le chroniqueur principal d'un site que je vous invite à aller voir qui s'appelle darkstories.com. Okay. Je sais que souvent vous aimez ça faire des recherches là, puis trouver des anecdotes puis ces choses-là. Là, c'est vraiment un travail brillant. Fait que je vous encourage à ça. Mais c'est ça, c'est un gars super intelligent. Quand on va à la pêche, c'est important qu'il soit là. Hein? C'est important qu'il soit là. Ben, ouais. Surtout pour s'assurer du bon déroulement de l'opération. Là. Il met un peu de sérieux dans la patente. Là, il prépare les lignes. Il nous démêle quand moi et Mike, on est tous mêlés ensemble. lui, il s'occupe que ça roule bien. Moi, je fais drink puis je mets vert. On fait une bonne équipe. Chacun ses talents. Une bonne équipe. Puis il est super patient. Il pogne jamais les nerfs. Puis ce qui est le fun avec lui, c'est que M. Magny, il rit pas, lui. Hein? Il sourit. Oh. Puis quand tu réussis à le faire sourire, tu sais que c'est vraiment drôle. En dedans, là, il s'esclave. C'est ça, exactement. Puis nous autres, on, vu qu'on n'est pas des pêcheurs trop sérieux, on pêche la barbue. La barbue. Ouais, à la ligne morte. OK, je connais pas ça. La barbue, c'est un poisson chat. À ne pas confondre avec la barbotte qui est beaucoup plus petite, là. Tu sais, je veux dire, quand c'est la saison, comme là, présentement, là, on prend des barbus grosses comme ma cuisse. Puis, Dieu sait que j'en ai toute une. Puis, on en prend vraiment à volonté, là. Fait que c'est le fun, tu sais, parce que c'est un bon challenge de pêche. Puis, on peut en prendre tant qu'on veut. Et puis là, comme je vous ai dit, moi qui suis un passionné de cuisine, ben, la part du monde jette ça aux poubelles. Mais nous autres, on la garde. Hein, on la garde. Parce que moi, je la fume. À mon fumoir, je fais de la barbue fumée. Ah, OK, fumé comme okay. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais, fumé comme ça. Comment tu fais ça? Puis je me suis même fait du caviar, en fait. Hein? Ouais, ben tu sais, parce que là, c'est son arrange ça. Là, M. Magny, qui connaît tout sur tout, et il m'explique, il dit, bon, ben là, il dit, faut que tu piques à cet endroit-là pour qu'elle se vide de son sang et provoquer son décès. Puis là, après ça, ben là, tu peux la filter. Fait que pendant qu'il s'explique, qui m'explique ça, moi, je suis déjà en train d'en ouvrir une qui est encore vivante. Puis là, je lève les filets là-dessus. Puis là, je vois-tu pas, toi, ça, les œufs qui sortent de la bedaine parce que c'est le temps de la fraye. Mm-hmm. Fait que je fais pas un ni deux. Je dis que ça vaut cher, ça. Mm-hmm. C'est du caviar. Fait que petite recherche Internet. Oui, je mets le caviar. C'est pas compliqué. On met le caviar dans un peu d'eau avec du sel. On le saumure. Fait que je m'en fais toutes les couleurs parce que quand on voit le caviar, on a un petit pot à l'épicerie, là, orange ou sur les sushis, ces choses-là. C'est, 15, c'est coloré. 20$, là. Exactement. Ouais. Fait que là, bien fier de ma chat, je mets mon caviar dans des petits pots, toutes les couleurs différentes. Puis là, je le regarde. Je suis comme plus sûr de ma chat. Tu l'es mangé toi-même, là, c'est ça. Je suis comme plus sûr si je vais en manger. Fait que je fais des cadeaux. Ça emballe pas personne. Mais finalement, après 3 bouteilles de vin, j'y ai goûté. Puis délicieux, en fait. Délicieux, délicieux, délicieux. Puis tu sais, c'est pas pire. C'est un poisson... semblable à un esturgeon qui produit les caviars les plus prestigieux du monde, ou bien la lompe, qui est le caviar en épicerie, qui est un autre poisson de fond. Fait que c'est pas pire que ça. Fait que bref, c'était délicieux. Tranche de vie. Tu connais ça, ça paraît. Pour le caviar. Ben, on dirait, c'est drôle, on dirait que le ton de ma voix change quand je dis des choses brillantes. Mais, anyway, fait qu'avec des poissons gros comme ça, tu sais bien que je me suis trouvé à faire 3-4 jokes de zignage. Hein? Bon. Question de revenir à moi-même. Puis c'est ça qui en est de notre pêche aux barbottes, là, avec Mike les danseuses et puis mon grand ami, Monsieur Magny. N'importe quoi. Mike les danseuses. Ah ouais, puis il comprend pas pourquoi il en pogne pas, Mike, lui. Tu sais, des danseuses? Non, du poisson. Du poisson. Je dis, mets des verres, pas des muffins. Tu sais. Lui, il pense que ça marche partout. Hein, que ça, là. Quand ça marche une fois. Ouais. Fait que ça, c'est notre pêche annuelle à barbue. On remplit le congélateur puis on fume ça. Yes. Mais aussi, à toutes les années, on monte sa hache. C'est quoi ce monter sa hache? Monter sa hache, on en fait une édition à toutes les années. C'est le nom d'un secteur là sur une zec qui s'appelle Towashish ou Pukashish, dépassé par l'Ardo dans le coin du Saguenay. En tout cas, on s'en va voir boule. Ouais. Boule! On s'en va voir boule sur la hache. Boule le danseur. Boule qui est un bon ami à moi. Comment je le décrirais? C'est un gars que j'ai connu dans l'Ouest, c'est terrible. Boule, il a soif. Il a soif. Il a soif. Sa caractéristique, il a soif. Tout le temps. Okay. Tout le temps. Uh-huh. Tu sais, là, je te jure qu'il n'y a pas de fond, là. Il venait chez nous, il s'en cachait dans les toilettes, là. C'est dans le siège de toilette où c'est que c'est frais un peu. Mais c'est tout un pêcheur. Hein? Quand on habitait à Jasper ensemble, on allait dans la rivière Athabasca qui traverse la ville avec des bouts de jambon que Bull avait volé à la cafétéria parce qu'on achetait juste de la bière, pas des verres. Et puis là, on pêchait une espèce de grosse truite qui s'appelle la Bull Trout. C'est une grosse truite énorme qui est, si je me trompe pas, l'emblème de l'Alberta. Et non, c'est pas un caribou, c'est une truite. Puis ces truites-là sont protégées, hein? Fait que moi, quand quelque chose est protégé, je fais pas une ni deux, faut que j'y goûte, c'est comme si... Oh, si j'avais un trip dans la vie, moi, ça serait aller manger une petite omelette d'œufs de torture à disparaître ou les affaires d'amour. Un yéti complet. Ouais, fait que quand tu me dis que j'ai pas le droit, moi, il faut que j'y goûte. Mais c'est ça, c'est que cette truite-là est protégée, entre autres, non seulement parce qu'il y en a plus beaucoup, mais elle se mange pas. Ça a une espèce de chair pâteuse, là, puis... Fait que ça te donne encore plus envie de le manger si tu peux pas le manger. Non, si tu peux pas le manger. Non, après ça, on les a remis à l'eau. Mais moi, je me souviens quand Boule arrive avec ça, il dit « Tu croiras pas ce que j'ai pogné dans la rivière! » La truite faisait une courbe dans la glacière, là, tu sais. Sacrément, je dis « On va se faire un sashimi, puis un tartare, puis tout ce que tu veux. Allez, ouais, arrange la truite, prépare ça. » Tout heureux, commence fait à manger tout. Ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est juste pâteux, fait que... Pas très bon, pas très bon, pas très bon, mais au moins, j'aurais goûté à un animal en voie de disparition. Fait donc un fuck, tant que ça, un petit bébé fuck serait bon, ça? Bébé fuck. Mais, fait que c'est ça, Boule, on allait bien gros à pêche dans ce coin-là aussi. Maling Lake, c'est le fun aussi. Maling Lake, c'est le lac qu'il y avait sur les anciens 20$. OK. À vrai dire, les anciens 20$. Avant ma naissance? Non, avant qu'ils fassent les nouveaux. Ouais. Ah, okay. Ils sont en plastique. Ouais, là, on a ça en plastique. Il y a eu les nouveaux, les anciens, okay. 20$. En tout cas, c'est beau, là, un moment donné, t'as assis dans la chaloupe, il déroule son bill de vin, puis il s'enligne sur le lac de même. C'est pareil, dans la vraie vie. Je sais pas ce qu'il faisait avec le bill de vin dans ses mains dans la chaloupe, mais en tout cas, puis là, il dit, on est-tu sur ce lac-là? T'sais, en tout cas, ça a bien marqué ma vie, c'est resté dans... Dans mes anecdotes. Fait qu'en tout cas, Boule, c'est notre hôte. Fait qu'à toutes les années, on monte là-bas, sur la hache, on s'en va le voir. Fait qu'on part avec mon vieux panel. Tu sais, moi, j'ai un vieux panel, hein, un genre de van Elvis Gratton, là. Ah oui. Tout en tapis, une odeur d'humidité louche là-dedans, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'elle prend l'eau. Un string sale après le miroir, là. Tu sais, le gros kit. Le luxe. Ouais. Fait qu'on part avec ma vieille van. En tout cas, ça je pourrais vous conterai ça une autre fois, l'histoire de cette vanne-là qui a traversé le Canada deux fois, que j'ai acheté pour 900$ dans Charlevoix. Mais bon, c'est une toute autre histoire. Fait qu'on part avec ma vieille vanne de Trois-Rivières, moi puis le chat, parce que quand on va sur la hache, avec le chat... Ça, c'est un gars, là, pas un chat. Ouais, non, c'était un gars. C'est un peu confus. C'est un gars. Ouais. Fait que je pars avec le chat, on s'en va... Mais c'est ça, c'est que la vanne était pas prête à partir. Elle était comme penchée sur un bord. C'est comme si elle était écrasée sur sa roue droite en arrière. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, comme je vous l'ai dit, moi, si tu verrais comment je suis manuel, c'est drôle, là. Fait que, ben, le chat, lui, c'était un vrai jobber, là. Tu sais, un gars qui patente tout le temps, tout le temps main sale, et tout le temps habillé en Big Bill bleu, sauf le dimanche. Jour du Seigneur, ben propre. Ouais. Là, il se lave. Okay. il s'habille en blanc. Fait qu'il dit comme ça, il y a personne qui va me demander de me coucher en dessous. C'est ce qu'il fait. Fait qu'en tout cas, il jack le truck, puis là, il se rend compte que l'armature, pour ne pas dire le frame, okay, est en train de passer à travers du plancher. Ce qui crée le débalancement. Fait que le chat fait pas ni une ni deux, il jack ça. Il met un 2x4. Fait que là, autrement dit, au lieu que le frame aille piquer dans le plancher tout à la même place, le poids était réparti sur le 2x4, ce qui fait que ça paraissait pas trop. Fait que nous autres, on part avec ça. Pas pour monter à Québec, là. Non. 4 heures dans le bois, ouais, là, tu sais. Fait que là, on part avec ça, on ramasse les bras au passage, qui forcément est pas prêt. Les bras, ça, c'est les mon bras, chum, okay, là. J'essayais de comprendre, OK, les bras, les oui. Les bras, c'est ouais, un autre gars. Okay. Fait que les bras, c'est lui, je vous disais, qui est un ancien doorman du 10-30. Ou 10-12. 10-12. 10-12. C'est un public cible, les 10-30. Ouais. fait que c'est ça, on arrive chez les bras qui forcément est pas prêt parce que c'est un gars qui prend énormément soin de lui, là, t'sais, vous avez sûrement vu le vidéo virale, là, chest bro, dos. Pas de shake, pas de bras. Non? Non, pas de. En tout cas, c'est un gars qui s'entraîne énormément, canne de thon, petite série d'abdos, deux shakes, épile le chest. Prends soin de sa personne. Ouais. Fait que on arrive chez les bras, est pas prêt. Fini par l'embarquer dans la van. De force. monte au Saguenay, va chercher Boule. Puis là, on part les trois dans la van, ben plein de stock. Puis là, je dis là, ça va-tu tenir le chat, là, notre affaire? Il dit, toujours en gossant son morceau de bois, parce que le chat, il est tellement manuel, il a toujours un morceau de bois dans ses mains avec un canif, puis il gosse. Tu sais, il gosse avec son canif, il scule son morceau de bois, fait qu'il dit, ça, il dit, t'auras pas de trouble avec ça, c'est flambant neuf. Il a dit un personnage des Simpsons, genre, espèce de pique-nous. Ah, regarde. Mais il dit, dis-moi au moins, t'emmenais un cric, hein? J'ai dit, ouais, j'ai dit le cric. J'ai dit, il est assis sur le banc à côté de Boule. Parce que les bras, il a les bras un peu gros comme sa tête, tu sais. Fait que là, il part arrêt, tu vois, il a juste les épaules qui sautent. Il est en train de manger sa canne de thon avec son shake de protéines. Fait que ça nous fait une belle gang de lurons. Puis Boule, lui, qui est déjà parti sa... Ça rumba. Puis là, c'est ça. Fait que là, on met du gaz. Puis là, j'ai dit, il faut mettre de la glace dans le glacière pour garder la bouffe. Puis là, Bull, il dit, non. Il dit, si on met pas la bière dans le glacière, il dit, elle va réchauffer. Mais là, j'ai dit, c'est pas grave, on va t'en mettre une caisse, tu sais, ça va être assez. Puis là, mais qu'on arrive là-bas, on fera. Il dit, non, faites-moi confiance. Il y en a de la glace là-bas, puis il y a un frigidaire. Fait qu'on part de même, pas une graine de glace, l'épicerie dans des sacs, puis la bière des glacières. Aïe, les priorités. Ouais. Tu connais, c'est ce que t'as besoin, ouais. La bière. Fait qu'on s'est rendu. Là, on arrive au chalet, forcément, Boule est compacté. Ça fait 4 heures qu'on roule dans le trail là, pour se rendre là. Une bière, de temps en temps, les jambes, pas trop. C'est quoi dans le dicton? Ah ouais. Quand tu franchis à la barrière... Un plat de cachou puis une petite bière. C'est ça qu'ils disent. S'ils disent ça. C'est ça qu'ils disent. Fait que crée-moi que Bull il a suivi le dicton. Fait qu'on arrive là, il est déjà un peu pacté. Là, faut qu'il parte le frigidaire au propane, mais c'est toute une histoire, tu sais. Pas capable de partir le frigidaire. Fait que là, on dit hey, où ta glace? Il dit hey, dans une grotte. Parce que là, faut pas oublier qu'on est à peu près mi-juillet, là. Fait chaud, là. Là, j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, c'est impossible qu'il y ait de la glace. Il dit oui, venez-vous-en, ils vont aller à la pêche en même temps. Puis il dit, on va traverser le lac. Il dit, on en pêchait tranquillement. Puis la grotte est là, puis il y a de la glace. T'sais. Là, de manière, ça fait 1h30, 2h qu'on pêche. Puis on n'est toujours pas rendu au spot. Puis là, on chiale, tu sais. Boule, on tourne en rond, ça mène à rien, ton affaire. Lui, tout ce qu'il fait, c'est il rit. Il rit, il prend de la bière, tu sais. Là, de manière, je me fâche, je me reviens de bord. Puis là, je dis, là, on tourne en rond pour le vrai. Mais c'était vrai, là, on faisait des cercles. Je me reviens de bord, Boule, il est couché, puis il dort à côté sur le moteur, tu sais. Fait que la chaloupe, elle tourne en rond. En tout cas, ça reste de même. On retourne au chalet. Pas de glace. Là, ça va pas bien. Là, l'épicerie, elle s'en vient chaude. Là, les bras, faut le nourrir. Lui, ça y prend ses protéines puis toutes ses affaires. C'est shake. Fait que là, c'est moi qui avais fait l'épicerie. Fait que qu'est-ce qu'il y avait dans l'épicerie, tu penses? On est dans le bois, à part de la bière. Du bacon, des crotons, des petits gâteaux. toutes des choses qui font pas partie de sa diète. Là, il capotait. Fait qu'en tout cas, on se couche le même matin, on se réveille. Puis là, Boule... Là, il capotait, par exemple. Parce que là, c'est vrai que la bière est chaude. Mm. Ben, le petit Batince, il a parti le frigidaire au propane. Il a marché à peu près 15 minutes. Un 15 de juillet, il est descendu dans une espèce de crevasse de roche, puis il nous a ramené des blocs de glace. J'ai capoté. Puis il est reparti sur la brosse. Au moins, il a fait son action. Sa job t'a fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. À part ça, vous autres. Hein, pas grand chose? Pas grand chose. Non, c'est ça. Sur la plage, tranquille. Ouais, cool, petite serviette. On boit, du rhum. Ouais. Des femmes. De la bière, nom de Dieu. Non, des femmes, moi, ça va. Ça va. T'es rassasié. Oui, c'est ça. Donné. J'ai mon plein depuis longtemps. Moi-même, je m'auto-suffis en tant que femme. Oh, s'auto-suffis. Parle-nous-en donc. Ouais. Non, ça va. T'es sûr? T'as pas une joke de douche téléphone pour nous autres? Ah, et justement! Non, c'est vrai! Hey! Quoi? Un peu de respect, là! Non, envers les douches téléphone? Ouais, c'est ça. Non, ben, tu sais, on a une fille, on va en profiter, là, t'sais. Ben, je vois bien ça, hein? D'habitude, il reste pas longtemps dans la même pièce que moi. Mais là, ça va être toi qui vas s'en aller, fait que ça va être... Mais là! C'est mon gang. Parlant de fille! Hein, parce que je peux pas ben passer à côté de ça. On a fait notre barbecue au Dupa en fin de semaine. Okay, ouais, oui. On avait fait tirer des billets. Mm-hmm. C'est deux belles petites filles qu'ils ont gagnées. Mm. Fait que je voulais les remercier d'être venus. C'était bien le fun. C'est la première fois que je signais ça à un autographe sur une paire de totons. Hey! t'es parti, là. Tu l'as la fin. Ouais, il trippait bien raide. Je me suis fait lancer des brassières, tu sais. Puis... on a eu vraiment un bon moment. Comme je disais, c'est moi qui s'occupe du barbecue. Wow. J'ai inventé deux sauces spéciales. La doux genèse et puis la bébé doux. Bébé doux. Ouais, qui est une version de sauce barbecue. Et puis c'est ça, je voulais dire salut à toute la gang, là, Phil là, qui s'occupe de l'animation au karaoké, puis les filles du bar, Annick, Marie-Pierre, Picati. Gros Louis est venu faire son tour. Ah, le retour de Louis. Ouais, Louis, Louis a pris un double-double. Double-double? Un double-double. Ça, c'est 4 boulettes. T'aurais dû voir le hamburger, c'était capoté. Puis là, il essayait de manger ça, ça coulait partout. Puis vu qu'il était pas capable, ben, le gros Pat qui était là aussi, il faisait sa tricks de bouche, là, en se rouvrant en mâchoire comme un robot pour impressionner les filles. Ou un serpent. Ça marche toujours, c'est toujours gagnant. Ah, je te dis, il peut rentrer une boule de billard. Mal. Fait que c'est ça. Fait que on va refaire la même activité samedi. C'est-tu tous les samedis ou c'est juste... ça va être vendredi des fois, des fois samedi. Il va en avoir toujours. Fait que j'aimerais ça donner un autre paire de billets là, parce que la dernière fois, ça a été vraiment une expérience agréable. C'est des valeurs de combien déjà? C'est des billets pour... 10$. 10$ chacun. 10$ chacun. Ça inclut le repas ainsi qu'une consommation qui est une bière... tu fais dire? C'est même une très bonne bière si on dit juste une bière de marque quelconque. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai bien aimé ça, l'expérience de donner des bières. Fait que je recommence parce que tu sais, c'est pas tous les jours hein, qu'on fait ça un trip à trois. Hein. Juste à ma fête, et je tiens à remercier Amélie et Marie, la fête de mes 31 ans, ainsi qu'après le barbecue du Doupub dans les toilettes pour handicapés avec deux fans. Alors, ça, c'est rock. La personne qui désire gagner les billets, prière d'appeler au 819-376-5184. Nous sommes aujourd'hui... C'est 8-3. Je répète, le 376-5183. Nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 13 juin. Et l'événement aura donc lieu samedi le 15 juin. On prend le troisième appel, on va mettre la fille là-dessus. Okay. Sur ce, je vous remercie. Tonton Sly, quitte le building. Merci, Tonton Sly. À la semaine prochaine. Le bon gars. Bien de la classe. Oui. On saute par-dessus la position numéro 12 du côté francophone, c'est-à-dire... C'est-à-dire la position, la toune, la moindre des choses de Karim Ouellet. La toune. On va entendre à la 11e place, Jean-Philippe Pan. Oui, en effet, on va aller écouter Chantal Archambault et Tomber frail. C'est une bonne toune, ça. Oui, c'est une bonne toune. Oubliez pas, c'est 819-376-5183 pour gagner une paire de beaux petits billets pour un barbecue qui a lieu samedi au Cap de Madeleine. Fusil braqué à mes flancs. Succomber à tes apports. J'ai craqué le bon biscuit chinois, me dictant d'épouser tes bras. Je retiens mon souffle en quittant le bas de ta porte. Et j'agrippe à moi ce tronc plein d'envie de toi. Pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. J'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi. Pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta porte. J'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi. Pour radio Toujours Assemblage Requis à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. On fait la petite danse des ouais, crabes. Ben en fait, je voulais que tu me passes la crème solaire qui sent la noix de coco. Ah, tiens. Ah, mais ah! J'ai vraiment positionné pour vrai. Hein. Ouais, puis là, j'en ai plein sur mon maillot. Là. Tout le monde va penser que je fais un dégât. Excuse-moi. Ah, c'est pas fait exprès, ça. Mais chose qu'on fait pas exprès des fois dans la vie. Hein. Ouais, heureusement. Ça s'échappe facilement. Donc, toujours avec Sly qui est toujours en studio, qui va rester avec nous pour un petit bout. Si tu veux commenter, tu y vas quand ça te tente. Justine Renaud qui vient d'arriver. Hey! Hey, tu trouves pas qu'il ressemble à Elvis avec ses lunettes de même et avec ses lèvres qui font comme oh yeah, thank you very much. C'est moi le king! Yeah! Oh, il est super. Oh ouais. Tu vas nous présenter Justine Procrastine tantôt? Je peux vous présenter ça, oui. Tu parles de quoi, non, tantôt? Je parle de The Pixies. Ben, c'est ça. Est-ce que, je sais pas, par surprise, est-ce que tu savais que t'as comme une bouée sur la tête, genre? Tu savais ça? Oui, ben oui. Enfin, on dirait un sombrero. Parce que c'est un cadeau. J'y ai donné ça en cadeau. Exactement. C'est la même bouée que t'avais sur la tête tantôt. C'est important, si jamais je me noie, il y a une partie de mon corps, il faut pas qu'il noie. C'est ma tête. C'est le bout de la tête. Les cheveux, sûrement les cheveux. La couronne de cheveux. Faut pas que mes cheveux touchent à l'eau. Non, mais ils sont très beaux, tes cheveux, hein. Fait que... Ah, mon Dieu, je les ai pas peignés ce matin parce que je savais que j'allais à la plage anyway, puis j'allais avoir du sable dans les fesses. C'est fun que tu prends soin de toi. Ça s'arrange pour nous autres, c'est correct. C'est bien correct. Aussi, à venir plus tard dans l'émission, plein d'autres chroniques, dont les paroles des autres aujourd'hui. Oh oui, on a une autre chanson de l'univers radiophonique Mathieu Plante. Je vais vous laisser deviner tantôt, mais ça a rapport avec une chronique que cet été on fait moins. Non, ah. Écoute, je pense. Je sais pas toute laquelle tu dis. C'est-à-dire toutes les chroniques. Oui, c'est ça. On va continuer avec une position du palmarès francophone. On va y aller avec. On saute par-dessus la 10e, tiens, pourquoi pas. Ouais, on va sauter par-dessus Journée d'enfer d'Edgar Bory. Si on a le choix, t'sais. Donc, j'imagine qu'on va entendre la 9e place. Ça serait mieux, je pense. Qui est Je me touche dans le parc des trois accords. On l'aime. On l'a fait jouer à chaque fois qu'on a un palmarès francophone à faire jouer, non? Ben oui. Puis j'ai hâte à la prochaine. La prochaine? L'autre d'après, la 8. OK. Miam. C'est vrai, je la regarde. Mais... Ouais, ouais. Gros mystère, là. Ouhou! Allez surtout pas voir sur le site internet pour savoir c'est quoi la position avant qu'on la joue, c'est une surprise! Ah, là! Ah! Dans la balle! Tout assemblage requis à la plage, on déprime enfin! C'est chaud! On va entendre les trois accords avec une position francophone qui se nomme... Je me touche dans le parc. Ja. Ouais, je n'osais pas le dire, en fait, c'est trop gênant. Ben oui, mais moi, c'est vrai. Ça monte une place. Donc, toujours avec Stéphanie, Jean-Philippe et Justine. Ouais! Voici Justine Procrastine. Oui! Talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm standing bed today. And it doesn't matter what the app to say to me, or do not care just what the app to say to me. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Hey, es-tu donc ben pas bonne, mon entrée? Je pas l'aime. Bonne, mais bonne! Mon intro, mon okay. Entrée, ben moi, c'est que j'apprends comment entrer. Puis comme plat principal, ben, ça va être de Pixies. Mais avant de vous dire ça, je peux juste vous écœurer un peu en vous disant que j'ai été à la crémière, me prendre une crème glacée, un cornet, deux couleurs, trempé dans le chocolat, au lait... Olé! Avec des pinots. Puis la serveuse était cute. Fait que... Oh! Y a une... deux boules! deux boules. Couleurs! Ah! Ah! Je parie comme Mathieu Plante. Ah! Dans une crèmerie, elle avait 16 ans? Non. Vraiment pas. Hey! Papa en tout. Hey! Oh! Non, vraiment hey! Pas. 16 ans, mon Dieu. Hey, wow, minute, là. Ah, attends un peu, là. Attends un peu, là. On peut bien parler de ça avec ses poules. Pis... Ses poules. C'est hey, je vais juste vous dire une autre affaire pour procrastiner un petit peu. On a une Française dans notre laboratoire, puis depuis qu'elle est arrivée, on n'arrête pas de parler de poulpes. Des poulpes, dans le fond, c'est des espèces de des petites pieuvres. Oui, des minuscules. Ouais. Ben écoute, ben c'est ça. On a comme une espèce de fixation sur ces affaires visqueuses depuis ce temps, puis on a appris que les méduses, ça c'est un autre sujet complètement, parce que c'est pas exactement dans la même place dans l'ordre des animaux, le règne animal, c'est pas à la même place. Mais quand tu coupes en petits morceaux, la raison pour laquelle ils se reproduisent, c'est à cause que le sperme est éjecté à la lacération des méduses. Mmh. Fait quand vous coupez des méduses, je sais pas si vous faites ça souvent, vous êtes en train de les faire reproduire, man. Mmh. Faites pas ça. Hein? Fait que The Pixies, un groupe excellent que j'ai écouté pendant mon enfance parce que ma mère a fait ça, des affaires bizarres de même, me faire écouter de la musique un peu troublante et je vais vous on avouer. La remercie. On la remercie, Linda, je t'aime. Linda! Linda! Je l'aime, ma mère. Beaucoup, oui, beaucoup. Ben nous autres aussi, on la connaît pas, mais on l'aime. Hein? Oui, on l'aime voilà, parce c'est... que on voit que j'ai quand même des connaissances musicales pas pires. Ben, tu sais, si elle a fait un enfant comme toi, hein, imagine la mère. Puis elle s'appelle Linda. En on veut dire, on peut pas haïr une Linda non, à la ça. Base, tu sais. À la base, du bidi bidi bidi bidi bidi. À la base, wiki, wiki. Mais je vais y aller un petit peu rapidement wiki, parce qu'il y a tellement de choses à dire au sujet de Pixies. Là. Tu m'as tout déconcentré avec ton wiki wiki. Voilà. Bref, brièvement et brèvement et broufement et broufement. Broufement. Uh-huh. Ils sont un band américain formé à Boston. Je reviens de Boston, justement, je trouve ça le fun. En 1986, j'étais pas née. Donc, ceux qui sont nés après... non, après, sont jeunes. Ceux qui sont nés avant 1986 sont vieux. Puis moi, je suis en plein dedans. Non, toi, t'es juste identifiez-vous, ceux qui sont vieux, 1986 et plus. Hein? Bref, j'étais pas née. Et le groupe consiste du guitariste et chanteur Black Francis, du guitariste Joey Santiago, de la bassiste et back vocaliste Kim Deal et du percussionniste David Lovering. Mais à l'origine, Joey et Black se sont rencontrés au University of Massachusetts Amherst puisqu'ils étaient voisins dans les appartements étudiants. Je sais pas s'ils partageaient leur blonde et leur tout ça, là, mais être voisin dans un appartement étudiant, ça implique des beuveries et ben des affaires. En tout cas, fait qu'ils se sont tissés des liens serrés assez tôt. Et en 1983, ils ont commencé à jammer ensemble. Attention, jammer, s'il ne veut pas dire faire de la confiture, malheureusement. Ils ont jammé à la guitare, puis ils ont fait un échange étudiant à Puerto Rico dans le but d'apprendre l'espagnol. D'ailleurs, certaines chansons témoignent de leur connaissance hispanophone. Et à leur retour de Puerto Rico, ils ont lâché l'école. Faites pas ça. Si vous êtes un jeune homme, une jeune femme à l'école, ne lâchez pas l'école. Finissez au moins votre diplôme, please. Hein? Les gens avec des demi-diplômes. Bon. Ce n'est qu'en 1986 qu'ils se sont regroupés avec Kim pour former le band. Mais d'ailleurs, l'arrivée de Kim dans le band est assez saugrenue. Les deux gars ont fait paraître une annonce invitant en audition toutes les filles bassistes aimant les icônes de la musique folk Peter, Paul and Mary ainsi que le band rock alternatif Husker Du. On s'entend que c'est assez spécifique, là, hein? Il faut qu'elle soit une fille. Fait qu'il faut qu'elle ait comme le kit génital qui vient avec une bass, qui vient avec deux goûts musicaux un peu différents. Eh bien, la seule fille à s'être présentée à l'audition, c'est Kim Deal. Sans bass, parce qu'elle ne jouait pas de bass. Et les gars l'ont gardée dans le groupe, car elle aimait les chansons qu'ils avaient composées. Fait d'enfant, en gros, c'était du gros lichage. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quant au percussionniste, il souhaitait recruter la sœur de Kim, Kelly Deal. Kim and Kelly, ça sonne en tout cas beaucoup de cas. Hein? Oui. Il fallait pas qu'il y ait un troisième enfant avec K, parce que là, c'est K, K, K. C'est pas comme bon. Kim et Kourtney Kardashian. Kourtney, ouais, c'est. Puis Deal, c'est comme un cornichon. Kardashian. Carnation. Comme le lait. Le lait on est rendu loin, hein. Mais la sœur à la bassiste Kim, qui s'appelle Kelly, elle a joué du drum, mais elle n'a pas pu, elle n'était pas disponible. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec ses mains pendant ce temps-là. Alors, ils se sont tournés vers David Lovering, une suggestion du mari à Kim qu'il avait rencontré à leur mariage. Dans le fond, Kim a marié un dude. Puis à leur mariage, ce dude-là a rencontré un percussionniste, puis c'est lui qui ont dit « Viens-t'en dans le band ». Tout ça pour remplacer la sœur. C'est un peu compliqué. Bref, quoi qu'il n'était pas très connu dans les Amériques, parce que là, je vous entends à la maison, c'est qui de Pixies? Depuis tout à l'heure, tu me parles de gens qui c'est un peu bizarre. Mais ils ont été quand même pas pire connus en Europe, surtout au Royaume-Uni. Leur génie musical a donné naissance à seulement 4 albums, malheureusement pour moi, parce que je les aime donc bien, dont Surfer Rosa, 1988, Doolittle, en 1989, Bossa Nova, en 1990, ça fit avec notre kit de plage, et Trompe le monde, en 1991. Mais gardons en tête que c'est vraiment la qualité et non la quantité qui compte. Dans leur cas, c'est absolument vrai. Et The Pixies donne dans le indie rock, le psychédélique, le noise rock ou encore le surf rock. C'est traite de sujets aussi divers que les extraterrestres, le surréalisme, l'inceste et la violence publique. Rendu là, moi, j'appelle ça du rock échevelé. Hein? Et le band s'est malheureusement séparé en 1993 suite à des malentendus qui ont fait place à l'amertume. Hein? Moi, c'est plate, ça. Ouais. J'aime pas ça, moi, quand les bands, ils se séparent. Mais cette rupture a donné quand même lieu à un certain engouement international. Puis, quand ils se sont réunis en 2004 pour une espèce de tournée de goodbye, leurs shows se sont vendus là, à guichets fermés. Plus fermé que ça... Qui est dans la porte. Ouais, c'est sûr. Bref, voilà en gros pour le groupe de Pixies que j'ai. En fait, il faut que j'emprunte le CD à ma mère. Linda, pass me the CD! Linda! Et on va le. Delima! Non, ça, c'est Pierre à feu. Mais voyons. Ah, j'aurais aimé ça que maman s'appelle Delima. Ça arrêtait pas plus. You're such a dilemma. Ça arrêtait la seule. Oh. Parce qu'en anglais, dilemma, ah. C'est comme un dilemme. Là. J'avoue. En passant, Delima. Delima? Delima? Je sais pas. Hey there, c'est pas ça en anglais? Je sais pas. Est-ce que t'es prêt à me faire jouer ma chanson? Je serais prêt quand tu veux. Ben ouais, ils ont pas de l'air à bonne place. Ben, c'est dans ma bouche. Ben, il est enfoui dans le sable. On va tout de suite aller écouter Gigantic sur leur album Surfer Rosa. Écoutez bien la douce voix de Kim. C'était Hey de The Pixies, Hey de leur album Doolittle. Et on ne parle pas du Dr. Doolittle. Je sais pas pourquoi à chaque fois je vois ce nom d'album-là. Je pense à Eddie Murphy. C'était Eddie Murphy. Oh oui, ouais. C'est okay, Eddie Murphy. Pardon, je voulais pas me tromper de parce que là, en tout cas. Des animaux qui je vais chantent, avoir la fédération des chantent. Afro-Américains à mon cul. Là. Il faut pas. Si je me trompe entre deux personnes, là, on va me traiter de raciste. Tout j'aurais pu fait. Dire Cuba Gooding Jr. Puis là, on m'aurait... lancer des pierres sur la place publique. Pourquoi je parle de ça, hein? Je sais pas, mais franchement, ton cerveau est drôlement linké, donc on pose des questions, t'as des drôles de liens entre les gens. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de misère, je suis assez distraite au travail et tout, mais bon, j'espère que vous avez pu apprécier moins un peu de Pixies, qui est vraiment, quand je vous dis du rock échevelé, c'est vraiment du rock échevelé. Là, t'as le chanteur qui crie comme un espèce de débile, aucune formation quelconque. T'as la bassiste qui a jamais joué de bass, puis la première chanson est à live pour vous donner vraiment une idée d'à quel point ça peut être absolument décousu. T'excuses bien le fait que je l'ai joué par erreur live. Non, j'aimais ça que ce soit live. Je te l'ai dit par après. Ouais. C'est sûr qu'après ça, c'est plus difficile à mixer, mais je pense que tu t'en es bien sorti. La chanson a dit « Hey! » Puis là, les gens, ils ont arrêté d'applaudir. Exact. Deux coups secs, comme si on leur avait demandé la ferme, tu sais. C'est ça. Comme un public d'une mauvaise sitcom à TQS dans le temps. Fait que... Arrête d'applaudir. Pas drôle. Tombe là. Eh bien, voilà. Écoute, moi, j'ai plus rien à dire rendu là. C'est en masse, hein? C'est en masse. Pourquoi en dire plus quand tu peux en dire juste le même juste affaire? Juste assez. C'est juste assez. C'est comme Doolittle, tu sais. Justine procrastine. Doolittle. Et elle en fait peu. Doolittle. Doolittle. Ça fait juste un petit Doolittle. Doolittle. Doolittle Chronics, you know? Doolittle Chronics. Little Chronics on the radio. OK. Merci, Juicy. It was my pleasure. Ça veut dire c'était mon plaisir. Sinon, je vais avoir la Fédération de l'Ordre des francophones du Québec à mes fesses. Loi 101, Dalmatien. T'as le spot dessus. Hey, bonne! Non! Oui! C'est la première fois que je l'entends, mais il me semble que c'est tellement genre intuitif que quelqu'un aurait dû la lâcher en pleine assemblée. La loi 101! Dalmatien. Cruella! Je te dis pas dire ça. Cruella! Cruella, là! Comme dirait Réjean Tremblay. Non, c'est qui Tremblay? Mais là, là. C'est quoi son prénom? L'autre. Jimmy Lala. L'autre. Jimmy Lala Benabib, hein? Jimmy Lala! Il s'aime pas vraiment. Elle est bonne! Elle est vraiment bonne, celle-là. Je vais tellement aller dire. On s'est dit qu'aujourd'hui, qu'on était sur la plage, comme toujours, au tout inclus de C'est fou. On a sorti notre petit appareil, tu sais, qui fait bip, bip, bip, bip, bip, qui cherche de l'or. Là, on essaie de trouver des bonnes blagues, puis ça fait juste bip, bip, bip. Mathieu, il y a quelque chose sur son zouizoui qui fait bip, bip. Il touche à terre aussi. Mais wow! C'est impressionnant. Il y a un Zoui Zoui 2000. Zoui Zoui. Mais justement, Justine, la bouée que tu as dans les mains, c'est la petite bouée pour le membre de Mathieu. Oui, ça rentre juste correct. C'est gros de même. C'est le petit kit de flottaison pour son troisième... Des fois, on oublie qu'on est à la radio. Je me suis mis ça à l'entour de la tête, moi, là. Bon, OK. Pour ceux qui sont à la radio, pour ceux qui ne nous écoutent pas en version vidéo, c'est une bouée de sauvetage qui rentre sur sa tête et qui rentre aussi sur ma tête d'entre-jeux. Slice s'en va et je le comprends. Babar. Babar qui est aussi le nom de ma trompe. Babar. Babar l'éléphant. Le cap à Babar. T'as pris le cap à Babar. Babar l'éléphant, ouais. Non, c'est ça. C'était ma femme qui était jaloux de Babar. Bon, pendant que les discussions partent de chaque Babar, Slice nous quitte. Ouais, je vous remercie de m'avoir accueilli parmi vous. Merci aux gens de m'avoir écouté. Puis je vais aller prendre 3 pintes avant mon cours parce que je suis pas ici pour apprendre. Ah, belle morale. Va te prendre quelques bières. Passe-toi 3-4 autres dizaines de projets là, à nous raconter la semaine prochaine. Et pendant ce temps-là, ben, on va passer un petit peu de temps avec Justine qui reste avec nous un peu. Oui. OK. David va revenir tantôt aussi parce qu'on a un petit quelque chose à se manigancer ensemble. Oh. Oui. Oh. Il se magasinait des gougounes, c'est ça? Hein? OK. Allô? Let's go. Un string d'orteil. Un string d'orteil. Bon. Bip, bip, bip, bip, bip. Oh, je sens qu'il y a une petite richesse. Il y a une petite dimension aussi. On retourne en musique. On va entendre encore un petit peu de palmarès francophone. Et la prochaine, on saute rien du tout. On y va directement. C'est la position numéro 8. Oui, parce qu'on peut pas sauter ça. C'est Paul de Rouge Pompier. Oh, misère. On peut pas le sauter. Il est mort. Il y en a qui sautent ça, des morts. Ah! On appelle ça des... Des bizarres. Des nécromanciens. Des nécromanciens. Eh, bonne, des nécromanciens. Oh! Vas-tu gagner ça, moi? Je sais pas. Ping, ping, ping. Oh! Bip, bip, bip, bip, bip, bip. On dirait David Ferrand. Oh non! Mauvais souvenir. L'autre bout dans l'échappement. cher Paul. Aimable, sportif, sens de l'humour. Dépendant au jeu du hasard. Le casino, il connaissait ça. C'était vraiment lui le meilleur pour pouvoir prédire si la machine paierait ou pas. Sauf cette fois-là. Dommage. Maintenant, Paul, maintenant que tu es en retraite forcée, laisse-nous te saluer. Toi, tes amis, tes enfants et ta femme, qui as-tu s'exprimer avec les bons mots en te trouvant? C'était Paul de Rouge Pompier qui finit de même. Pas Paul qui est mort dans son automobile. Fait qu'on va, son automobile. Son char. Sa voiture. Sa char. Ouais. Sacha Richard. C'est un beau nom. God. Merci. God. Alors, on va se remettre sur pied là, parce que là, on a pris vraiment, vraiment beaucoup de retard depuis le début de l'émission. Colin, que voulez-vous? C'est comme ça. Et on n'a pas fait aucune chronique jusqu'à maintenant de choses. Comment dire, importante dans la vie. Mm-hmm. Ouais, t'es chronique. C'est ça. Ça passe en premier. Donc voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et Colin, j'ai accumulé un million, plus ou moins, de faits depuis la semaine passée, depuis la dernière fois qu'on l'a fait, en fait. C'est pas une hyperbole, ça? Un million, non, ça se peut pas. C'est impossible. Impossible. Il y en a beaucoup trop. C'est comme quand on dit qu'il fait 1000 dehors. Ça ne se peut pas, sachez-le. Donc, on va y aller, on va s'apprendre des choses. Vous allez réagir en temps réel, comme toujours. Justine est toujours là, pendant qu'on attend David qui s'en vient encore. Jean-Philippe est là. Yo! Mathieu. Donc, allons-y, apprenons des choses. Et commençons par un fait des plus intéressants. Pourquoi commencer avec un fait plate? Ben, je sais pas, hein? C'est une question. J'attends des réponses. Je sais pas. En fait, j'attends que les choses changent. Faisant donc toutes des faits le fun. Toutes des faits le fun, je peux pas te garantir, par contre. Par contre, que la plus longue distance qui a jamais été courue sur un tapis roulant en 24 heures était 153,6 milles par Edith Burses en 2004. Je pensais que tu allais dire Edith Piaf, là. J'étais comme, Dieu. Elle doit être morte de ça, certainement. C'est ça. Certainement pas. 153,6 milles qui est évidemment, Jean-Philippe, en kilomètres. Le double. 300 km. C'est à peu près. À peu près. Fois 2,2. C'est 2,2, ouais, c'est ça. C'est pas les kilos en. Non. En livres, ça? Non, c'est 1,6 les kilos en livres. Ben non, c'est 2,2. Hein? Ça doit être les 1000 en kilomètres, 1,6. Je m'assinerais pas avec ça, moi, là. Ah, t'as. Ouais, j'ai raison. En tout cas, 2,2 puis 1,6, moi, je m'amuse à multiplier tout là-dessus. c'est des numéros clés. Ça, pipi. Ça, c'est trois numéros clés. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Il y a 188 pays qui appellent le soccer le football, alors que seulement 4 disent soccer. Ah ouais? Moi? Dont le Québec. Ouais. Si on voit. Le pays Québec. Mais en fait, j'imagine qu'on parle du soccer à l'origine, qui est le. Qui est ce qu'on appelle. Ok, moi, c'est 188 pays, le ballon blanc avec des petits points noirs. Ils appellent ça le football des carrés. Oh oui, on avait compris. Okay. Oh oui. Bref, bon, super. Il est bon en sport, hein? Vraiment. Et en description de choses. Y a-tu des arbitres dans ce sport-là? Je sais pas. Des sifflets? Peut-être. Des sifflets. Moi, je t'écoutais sur ça, sur quoi on peut se mettre la bouche. Une panthère, savez-vous que c'est pas un vrai animal? En fait, c'est un terme qu'on utilise pour décrire les black cougars, les jaguars et les léopards. On appelle ça une panthère, mais en fait, c'est pas, il y a pas un animal qui s'appelle une panthère. La panthère rose, elle. Ah, ça, c'est un personnage. Ah, OK. Puis quand j'enlève mon chapeau puis que je mets ça, ça panthère. Sa panthère. Sa panthère. Le groupe de musique, la panthère rose. La panthère. Je sais pas. Les moustiques vont survivre à la collision. OK? Les moustiques. Les moustiques. OK. Bon, tu sais, des fois, ils vont foncer dans la pluie. Tu te demandes comment c'est que qu'ils peuvent continuer de voler malgré la pluie. C'est pas une toune d'Éric Lapointe, ça? Et si je fonce dans la pluie, tu lui mets un rocker du feu. C'est pas Éric Lapointe du tout. C'est Mario Pelcha. C'est l'autre, là. Mario Pelcha. Hey, apprends tes classiques. Tu t'en vas les voir en spectacle, Stéphanie m'a dit tantôt. Ben oui, ça se pourrait que toi aussi tu viennes. Ah, OK, cool. C'est-tu organisé? C'est organisé. OK, wow. C'est une sortie collective. Voyons. Justine. Il y a quelque chose qui me cille. Tu vas faire notre toune de fond. Vas-y. Prochain fait. Hey, j'ai même pas fait le fait, en fait. Ah ouais, c'était... J'ai même pas fait le fait. Je m'excuse. Et j'aime la phrase. J'aime la phrase. J'ai pas fait le fait, en fait. J'ai pas fait le fait, en ça fait. Ça donne de l'effet. Wow. C'est bon. Fais-le. Phil Collins. Les moustiques vont survivre à la collision avec la pluie, avec les gouttes de pluie, en s'accrochant à la goutte de pluie elle-même et en se promenant dessus. Oh! Bon. Moi, pour elle, c'est comme des glissades d'eau. Exactement. Oh! Environ... Les effets sonores sont fournis aujourd'hui par Justine. Onomatopée Inc. Environ 80% des chats sont infectés avec ce qu'on appelle le Toxoplasma gondii, qui est un parasite qui peut causer la dépression, l'anxiété, la schizophrénie chez les humains. Donc les chats ont ça des fois, c'est triste. Hein? Ouais, faut pas faire la litière. Les femmes enceintes là, qui écoutent, là, pas vous, monsieur Michel, il faut pas faire la litière quand vous êtes enceinte. Faire la litière d'une femme enceinte? Non. Quand vous êtes enceinte, faites pas la litière de votre chat. J'ai assez hâte juste pour ça. Faites pas ça. De pouvoir donner ça à faire à votre chum, là, parce que vous pouvez infecter votre bébé. Oh. C'est pas le fun, hein? Votre bébé va être depressed, the baby blues. Les écureuils peuvent ronronner comme des chats. Oh! Très bon. Harry Carey, okay. Ou Harry Carey, comme on l'appelle en français, a le record pour le plus de parties consécutives diffusées par un seul annonceur. 7000 parties de suite pour Harry Carey. Partie de quoi? Partie de sport. OK. D'Harry Carey. C'est comme les quatre coins quand t'es jeune. C'est ça, c'est comme le Mississippi. Wow. Harry Carey. Lorsque Will Ferrell a rencontré le batteur du groupe de musique, le RHCP, le batteur s'appelle Chad Smith et c'est un gars qui ressemble, selon Internet, là, selon les comparaisons photos, le gars... de RHCP et Will Ferrell sont des sosies. Okay? Donc, Will Ferrell a rencontré le batteur Chad Smith, qui est son lookalike, et il l'a regardé et il a dit « Mais vous êtes très bel homme. » Et il est reparti. Vous êtes très bel homme. Je le trouve tellement hot, ce gars-là. Mais cherchez Chad Smith et Will Ferrell, si tu veux nous sortir l'extrait vidéo, dans la photo. Chad Smith, Will Ferrell, on voit beaucoup de photos, ils se ressemblent en effet beaucoup, beaucoup. C'est vrai que ça va beaucoup mieux mettre ses lunettes de soleil pour pouvoir voir le reflet de l'écran, Jean-Philippe. Ben, je fais ça pour vous. Hein? Pour looker. Hein? Ouais. Pourquoi que j'ai écrit Chad Michaels puis je suis tombé sur une photo de Cher? Oh my God! Oh, mais Chad... Je suis pas à la bonne place, man. Non, en tout cas. Hey, on mène! En tout cas, bref. Tu m'as perdu, je pense. Après que Conan O'Brien, sa première émission de télé, le Late Night with Conan O'Brien, sa première émission de télé, en 1993, il a publié une critique négative de sa propre performance dans le New York Times. Tellement il est drôle, Conan O'Brien. Il a écrit un article disant que l'émission était vraiment douteuse. C'est cool. Écoute, non, c'est pas cool. Moi, je trouve ça drôle. Si vous créez un contact dans votre téléphone qui s'appelle Ignore, ignorer, OK, et que vous... attends un peu. C'est ça. Ajoutez un contact qui s'appelle Ignorer dans votre liste de contacts et mettez le... Attends un peu, j'essaie de comprendre. Ouais, mais nous aussi. Tu vas pouvoir ajouter là-dedans le nom de n'importe quelle personne, tu vas pouvoir l'appeler. Dans le fond, ça va être Ignorer. Puis dans le fond, tu vas avoir juste un buzz, une vibration à la place d'avoir une sonnerie. Tu sais, t'ajoutes à ces personnes-là à ton Ignore, puis comme ça, ben, eux autres, ça va sonner. Vibration à la place d'être une sonnerie. Comme ça, tu vas pouvoir laisser ton téléphone allumer sur ta sonnerie, mais les autres, ils te dérangeront pas parce qu'ils sont Ignore. J'ai rien compris. Pense. Admettons que je veux ignorer ma mère. Non, je pense qu'on a mis de la CFR. Ah. Ça va être trop compliqué. Non, pas ignorer ta mère. Est-ce que mon téléphone à moi qui va vibrer quand elle m'appelle? C'est ça. Elle, quand elle va t'appeler, ça va faire Ignore. Ça va être comme... Ça va être vibration à la place de sonner. On se comprend-tu? C'était plate à mort. On passe au suivant. Les battements de cœur d'un chat vont deux fois plus vite que les battements de cœur d'un humain. Ah, ça, tu vois, ça, c'est intéressant. Un homme de 66 ans est allé à l'hôpital parce qu'il avait des problèmes, des douleurs abdominales. C'était un kiss sur une de ses ovaires et parce qu'on a découvert que c'était finalement une femme. No! Ouais, ben oui, j'ai vu ça. Ouais. C'est très récent. C'était un... En effet. C'était pas un Hong Kongais? Ouais, je pense que Hongkongais de 66 ans. Oui, l'article est lié sur le syndrome de Turner. Oui, tout à fait. Hein? Turner. J'ai rien de voir, là. Ça sort tout seul. Non, mais c'est pas le syndrome de Turner. Hein? C'est 2X puis il y a un Y. C'est chromosome. Ouais. Fait qu'à la place d'avoir un XY, il y a 2X, un Y. Fait que dans le fond, il y a comme une petite excroissance à l'extérieur, mais... Ça ressemble... Ah, mais c'est pas... Ah. Mais moi, je comprends pas pourquoi il s'est pas posé de questions. Avant, il y avait pas de testicules. Ah. Mais il s'est pas posé de questions. C'est juste un X. Excuse-moi. Le surnom de Turner, c'est juste un X. Pardon. Fait qu'il y a pas juste moi qui fais de la désinformation. C'est le surnom de Klinefelter, c'est XXY. OK. Ben c'est ça, Turner c'est juste un X. Fait que dans le fond son corps il est comme ben man j'ai pas des Y mais je suis une fille, je suis un gars, c'est ça. Ça a fait un mix des deux là. Des affaires carrées. T'as aussi le fameux chromosome 3X, tu peux chercher ça dans Google, là, t'arrives sur plein d'affaires là. Je te jure que ça existe. Ouais. Y a une autoroute en Allemagne qui s'appelle l'autobahn qui n'a pas de limite de vitesse. Et apparemment qu'il y a 3 fois moins de gens qui meurent sur cette autoroute-là que dans les autoroutes américaines en moyenne. Donc, il y a moins de morts sur les autoroutes très, très, très rapides. Bizarre. Mais il y a aussi le fait, j'imagine, que ces autoroutes-là sont mieux entretenues. Probablement. Et ils n'ont pas de gel-dégel comme nous autres, fait qu'il n'y a pas de nid de poule. Mm. Fait que c'est des belles routes pour rouler. Puis, mais mon hypothèse, c'est que, tu sais, ici, quand t'es pogné en arrière de quelqu'un qui avance pas vite, ben, t'es t'as fâché. Juste le goût de... Ouais, c'est ça, t'es comme fâché, tu veux le dépasser... Puis là, c'est ça. Tu rentres dans les autres qui roulent pas vite. Y a-tu un minimum? Admettons, une mémé, peux-tu dire... ben, une mémé. Je dis pas que toutes les mémés conduisent pas vite. Là, mettons, quelqu'un qui conduit pas vite. Ben, je pense que tes différentes voies vont avoir leur vitesse. Mettons, tu tiens pas sa voie de gauche à 30. C'est ça. Là, tu vas te faire rentrer dedans, c'est certain. Ah, ouais, ça, ça va être malade. Ça va faire un film. On fait un film. Les gens qui textent alors qu'ils conduisent ont 23 fois plus de chances de mourir, de faire un accident, en fait, que les conducteurs qui ne sont pas distraits. Donc, on parle pas de mort, on parle de chances de faire un accident. 23 fois plus de chances. Moi, c'est pour ça normal. Moi, je joue au Game Boy. À la place. Ouais, c'est moins épais. Il n'y a aucune loi contre les Game Boy. Ouais. Le centre d'achat de Dubaï est le plus gros centre d'achat du monde avec 12 millions de pieds carrés, 1200 boutiques et plus de 65 millions de visiteurs par année. Hey, tu sais-tu qu'il y a une pente de ski, là? Ah, pour vrai, non? Il y a une station de ski. Ça, je savais pas, T'es-tu sérieux? Ouais, ouais. Hey, y a-tu tes navettes, genre, pour se rendre d'un bout à l'autre du centre d'achat? Probablement. C'est cool. Mais là, ça, je sais pas, là, je parlais de station de ski. Bon, ah, mais il y a un remont de pente, là. Ah, tout, là. Pour vrai? Ouais. Ta seule spécialité, c'est les stations de ski. Ben ouais, moi aussi. Demande-moi quelque chose à faire sur le ski. Ouais, pas les centres d'achat. Il y a un petit café qui s'appelle l'Avalanche. Café Avalanche. Là, t'inventes des affaires. Non, je te jure. Non, pas vrai. C'est un fait. On est dans une chronique, c'est un fait. Oui, parce qu'on dit pas de bullshit dans c'est un fait. Hey, check-moi bien aller. Les femmes vont acheter plus dans un centre d'achat si elles entendent leur. En fait, des talons claquer sur la surface dure. Si elles entendent des talons claquer, elles vont acheter plus. Ça, c'est bizarre parce que, en tout cas. S'ils si entendent des skis, c'est la poudreuse, ils vont tu peux s'acheter. Toi, là, ouais, ça me rejoint. Le ski, là, ça me rejoint tout le temps. Ouais. Mais c'est leur propre talon à elles-mêmes. Ah! Elles vont plus, ah, c'est leur auto-satisfaite, les femmes. Je pense que oui. C'est comme, tu sais, t'entends tes talons, puis là, tu te sens femme. T'as le goût de magasiner. Une femme, ça magasine. Fait que tu t'assumes. C'est ça. Les stéréotypes et les clichés qui sont tous là. L'alcool va faire descendre le niveau de la testostérone chez les hommes, va l'augmenter chez les femmes. L'alcool va descendre le niveau de testostérone chez l'homme, mais va l'augmenter chez la femme. J'ai l'impression de déjà entendu, pas vous? OK, ça veut dire c'est pour ça que les femmes, quand ils boivent, deviennent un peu comme Cro-Magnon, là, un peu pas de classe. Puis que les hommes, eux autres, ils disent entre eux autres qu'ils s'aiment, puis ils se font des câlins, c'est Man, ça? Toi. L'Université de l'Oregon a pu utiliser Donald Duck comme mascotte de leur école grâce à une poignée de main qu'ils ont donnée à Walt Disney en 1947. Donc c'est une parole en l'air, genre un contrat signé par une poignée de main. Donc, ah, ben, des contrats, poignées de main, c'est valable, c'est ça? C'est valable, c'est comme une entente verbale. Le 4 et le 9 sont des chiffres malchanceux au Japon. En fait, le mot pour le chiffre 4 au Japon sonne pareil comme le mot mort. Oh! Oh! Et le 9 est souffrance. Oh! Incroyable. Les vaches vont suer par leur nez. Ah! Je préfère par leur nez. C'est-tu quoi? Moi, j'aimerais pas ça me coller contre une vache suante. Tu trempes, là. Tout de suite, intense. De toute façon, je me colle rarement sur des vaches. Très rarement. Moi, par contre, des vaches à tous les jours. Hein? Les végétariens vont vivre plus longtemps et vont être plus maigres que les personnes... et enfin, vont être aussi plus éduqués, selon une étude, que les gens qui mangent de la viande. Selon une étude. Une étude nous montre que... Et Justine va être intéressée par ce fait-là. Je t'intéressais déjà. Vas-y, tu vas m'expliquer tout ça. Les études prouvent ou démontrent que le gaydar, donc juger si une personne est gay, okay, va être précis entre 50 et 60 % basé sur leur structure faciale. Hein? Non, c'est leur démarche. Leur démarche. Désolé, l'angle de leur main et leur démarche. Okay. Si tu te coupes les ongles d'orteil ou pas, c'est un bon signe aussi. Hein? T'es une fille, tu te coupes pas les ongles d'orteil, pose-toi des questions, ma grande. Ah, intéressant, intéressant. Moi, je range, moi, je range mes ongles d'orteil. Okay. Quand j'étais petite, j'étais capable. Plus jamais. Plus jamais. Mais tu sais, j'avais 4 ans. Là. Wow. Tu sais, dans ce temps-là, je veux dire, mes ongles étaient virgin. Là. Ouais. Virgin. Virgin. Virgin ongles. Ongles. Chercher et trouver des formes dans les nuages. C'est ce qu'on appelle de la néphélococcygia. C'est pas de la nécromancie. Non, vraiment pas. La femme moyenne va passer environ un an de sa vie à décider quoi porter. Puis la femme large. Femme moyenne, femme large. Bonne blague. Très bonne blague. Pardon. Il y a un guichet automatique pour chaque 3000 personnes sur la planète. Il y a un guichet automatique par 13 000 personnes à l'UQTR. ça marche pas à l'UQTR. Non, mais en fait, si on regarde le nombre d'étudiants qu'il y a, c'est quasiment ça. Il y a deux guichets. Il y en a deux. Il y a deux guichets. L'ATM compte pas, là. Il y a des frais. Il y en a un, mais il y en a deux côte à côte. Oui, il y en a deux côte à côte. Ah, mais ça compte pas. Ben oui. Mais c'est un par 7500. Non, 6500, pardon. Ça marche pas pareil. Ça marche pas. Moi, si on inclut les ATM, ça a du sens. OK. Ça a du sens. D'accord. Les Américains vont consommer 3800 calories en moyenne par jour, alors que le nombre recommandé est 2000. Ben oui, c'est énorme, 3800. Aucun sens. Bande de fous. 75% des Américains sont chroniquement déshydratés, mais 37% pensent qu'ils ont faim alors qu'ils ont soif. Ouh, fait qu'ils consomment leur eau dans leur bouffe. Voilà. T'es supposé, quand t'as soif, t'sais, des fois tu penses que t'as faim, mais c'est vraiment de la soif. Fait que bois plus d'eau tout le temps. C'est la morale. La morale. Un Américain sur 5 va interrompre son sommeil pour texter. Hein? Tu me niaises-tu? Ben non. Répète ça. 1 sur 5 des adolescents va interrompre son sommeil pour texter. Au volant? Quoi? Non, on parle de leur sommeil. Come on. C'est ça, ils dorment au volant. Non. Puis là, ils se réveillent pour texter. Mélange pas les affaires. Oh, je veux pas faire mon fin finot, là, mais je vais faire un gros bac en arrière. Là. Écris mon fils au c'est début de la chronique. C'est tellement vrai. On retourne en arrière à Dubaï. On retourne à Dubaï. Tu te souviens, on parlait de Dubaï tantôt? Oui. Tu vois, ça s'appelle Ski Dubaï, puis ça, c'est Avalanche Café. Ski Dubaï? Ski Dubaï, c'est non, mais non. Ski Mais ça existe. Mais est-ce que t'as cherché Chad Smith puis Will? Moi, j'ai cherché. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Mais je suis tombé, Chad. Sur des photos d'hommes torse nu, puis je suis mal à l'aise. J'ai écrit Chad Michael, le gars qui était dans. C'est-tu One Tree Hill? Je sais pas. Non, c'était-tu One Tree Hill? Hein? Les deux gars, là, il y en a un qui joue au basketball. Là. Je hey, comprends j'aime pas. Laissez faire. J'aime ça. Chad Smith. Ça va par n'importe où. Non, mais là, il fallait que je dise que j'avais raison là, sur le café Avalanche. Toi, t'étais correct. J'ai regardé un documentaire hier là-dessus. Ah non, il se ressemble tellement. C'est ça. C'est des sosies. Voilà. Il y en a un qui a plus de barbe. Fait que, Mathieu. Plus de 350 millions de gens vont visiter des parcs thématiques par année. C'est comme la ronde des parcs thématiques. Ou le ski Dubaï. La ronde, je sais pas. C'est un parc thématique, ça? Ouais, moi, je dirais. Moi, je pensais que parc thématique, c'est quoi genre, le thème? Moi, ouais, c'est ça. Vomir. Je pensais plus le thème, c'est comme, mettons, un parc sur Harry Potter ou un parc sur Cendrillon. Je serais un petit peu de sa vie-là pour travailler là. Yes! C'est le fun, t'aimes ça? Ouais. C'est une grosse partie de plaisir pour toi de travailler à Ronde. Ben oui. Tu veux que je chante la chanson? Oui! Non, il n'y a pas de chanson. Ah, pas de chanson! À la ronde! À la ronde! Une autre étude nous suggère qu'une personne qui fait de l'embonpoint, une personne. Fat person. Fat person. Un gros. Elle va toujours être vue comme gros pour ses amis, même si il ou elle perd du poids. Ils vont être quand même vus comme gros. Mais c'est vrai que tu as l'habitude de voir quelqu'un tout le temps gros. Triste, hein? Ouais. Ouais, c'est comme si demain, Mathieu arrivait avec les cheveux platine. Ah, OK. Oh, moi, dans ma tête, il resterait un noir. Je pense que t'allais dire qu'elle est arrivée avec les cheveux bien coupés dans ses favoris parce que ça a l'air d'une mauvaise heure. une mauvaise herbe. Un mauvaise herbe. Hey, c'est mauvaise... une méchante non, longue mauvaise herbe. Une très longue. In Search of Lost Time a le record pour le plus long roman du monde. 1 200 000 mots et 4 211 pages. Arc. In Search of Time. In Search of Love. In Search of Lost Time, voilà. Lost Time. Lost. In Search of Lost Time. Lost? Lost Time, à la recherche du temps perdu. OK. Voilà. Et la sauce, spéciale dans un Big Mac, si on regarde les ingrédients, essentiellement, c'est pas mal une sauce Thousand Island. C'est quoi, c'est mille îles, ça? Ouais. C'est essentiellement la même chose. Fait que moi, d'aller acheter une sauce vinaigrette mille îles, en fait, ça mène... Check-moi bien aller. Une femme britannique qui fait de l'asthme a toussé tellement violemment qu'un de ses poumons est sorti dans sa poitrine entre deux de ses côtes. Ah! Oh! Je vais plus jamais éternuer. Attends, une minute, là. Et un de ses... Lungs, c'est bien le poumon? Oui. Lungs. est sorti de sa... L'intérieur de sa poitrine, entre deux de ses côtes. Ribs, c'est bien les côtes. OK, c'est une nage, je veux dire, ça a transpercé, là, de sa peau. Ça a sorti de... Ben, je pense, je sais pas si ça a sorti de sa peau, mais dans son corps. Mais non, mais moi, j'ai l'impression que ça a fait un hernie, puis que son poumon est resté jammé entre deux. Mais c'est pas mal à peu près ce que j'ai raconté. Ben ouais, c'est un synonyme. Non, mais il n'est pas sorti de son corps, là. Ben non, mais non. OK. Il est sorti de sa place de dans la cage thoracique. De où que ça devrait être. C'est pour ça que t'as peur des ballons. D'être, excuse-moi. Bêtre. Sa plèvre. C'est comme un il est sorti de sa plèvre. Je sais plus qui écouter. Moi non plus. Moi, je pense qu'on devrait l'écouter un autre fait. Ouais. Good. Allons-y. Ensuite, c'est autant que on dit que 85% des étudiants collégiens de nos jours vont retourner à la maison vivre chez leurs parents après avoir gradué. Fail. 85%. Point. Si j'avais l'extrait. En 2011, le drapeau de la Libye était vert, complètement vert. C'est le seul drapeau au monde qui avait aucun autre dessin. C'est juste vert. Vert forêt ou vert pomme? C'est un vert. Ah ouais, comment ça? Certains verts. Vert zone campus. Vert zone campus, j'aime ça. Vert comme ma casquette de plage. Ah, ça, oh! C'est vert grenouille. Granny Smith. Est-ce que t'as mis les photos sur Facebook? Parce que sinon, personne ne comprend. Bon. C'est toi qui les as. Mais c'est moi qui les ai. C'est dans ton téléphone. Ça me prendra. Je prends en otage. 10% du poids d'un oreiller qui est vieux de 2 ans va être composé de... Non, je ne veux pas savoir. Ben, c'est ce que tu penses. Là, et de leurs besoins. 10% du poids d'un oreiller qui date de là 2 ans. Ah, j'ai donc bien le goût de la changer à plus que 2 ans. Ben, en général, à chaque 2 ans minimum, je change ton oreiller. Ouais, mais c'est parce que ça me prend tellement de temps avant de trouver l'oreiller parfait. Tu sais, the oreiller. Ben. Ah! Dégueulasse. Ah, oh, tu me niaises, là! Est-ce que vous voulez rester dans le dégueulasse? Ben, tu peux les laver, tu sais, ou les secouer, les laver. C'est vrai. Moi, mais je veux dire les cacas. Les cacas! Ben, ça va partir. Les cacas! Ouais, mais on s'entend, c'est pas du caca d'éléphant, c'est quand même plus subtil. Wesh. Ouais, bref. Alors qu'un matelas usagé typique va contenir entre 100 000 et 10 millions de ces petites bestioles, là, tu sais, ce qu'on connaît, les petites bestioles de le... Acariens. Ça y est, ce soir, je change mon set de chambre au complet. Dieu, moi aussi. Ça va juste coûter 1000 piastres. Les Américains, en moyenne, vont dépenser 18% de leur salaire sur leur transport. Seulement 13% va être dépensé sur la nourriture. Vous me dites quand arrêter. Avant que le 911 devienne le numéro pour l'urgence standard, on composait le 3473 qui épelle le mot feu en anglais fire. 3473 était le numéro des pompiers. Hey, 3473 là en panique, impossible de me rappeler ça. Là. Ouais, comment ça s'appelle fire? Fire. F A I tréma. Ouais, on s'en allait dans le même. F A Y E U R. Voilà. Fire. Combien est-ce qu'on en fait avant de se quitter? Vous me dites un chiffre puis j'en fais ce nombre-là. 40. Une personne avec ce qu'on appelle l'anémique aphasia. OK, l'aphasie anémique. A la difficulté à trouver les bons mots pour des objets, des endroits, des événements. Donc, c'est d'avoir la difficulté à placer le bon mot. Tu sais, comme moi, quand je décris quelque chose puis que pourtant c'est un mot tellement évident. Ah oui, puis je le trouve. C'est arrivé une couple de fois. Jean-Philippe le trouve. Mais plus dans l'assemblage requis normal. Normal size edition. Ouais. Normal edition. J'aime ça. On considère que c'est inapproprié comme comportement, voilà, au Japon de se moucher en public. C'est ben oui, ça n'a pas de classe. Tout à fait. 9 personnes ont été tuées dans des manèges à Disneyland depuis l'ouverture en 1955. Combien? 9 personnes. Je voulais juste être sûr que tu avais vraiment dit souffrance en japonais. Non! C'est en allemand. Wow, ça, c'est un beau lien. Hey, 9 personnes sont crevées. Ouais. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Ça fait combien de temps, c'est ouvert? Depuis 1955. Comment t'y prends tes gens? Crevés ou ça? Non. Brouillé. Miroir. Des jokes de mort. Parlant de jokes de pas de mauvais goût, en fait. Le cerveau humain est très, très mou. OK? Nice. Et ressemble étrangement, comme consistance, là, à du tofu. Ouais. C'est aussi bon. Non, en salade. Non, c'est plein de gras, là. C'est moi, j'aime pas ça. C'est juste du gras. Je trouve pas ça bon. Du cerveau? Du tofu? Du tofu. Mais oui, mais c'est parce que ça prend le goût de ce avec quoi tu le mets. Fait que si tu le mets avec de la chenoute, c'est sûr que ça va goûter à la chenoute. Si tu le mets avec rien, ça va goûter à rien. De toute façon, tu sais même pas faire à manger. Hey, toi, les insultes. Ben oui, mais c'est vrai que tu sais pas faire à manger. Ben c'est vrai. Bon, c'est pas une insulte. Non, hey, j'en ai assez de cet effet pour aujourd'hui. Ah, trop d'insultes. Ah, mais j'ai aimé ça, moi, le cerveau. C'est le fun. T'as pas d'autres trucs de texture? Ouais. Je peux chercher. Attends, de texture. Ah, oui, oui. Okay, oui, puis, oui. La finale. La finale. Finale. Attention, oui. La finale. Ceux qui sont allergiques au chocolat. Okay. En fait, ça pourrait facilement être causé par de petits morceaux de coquerelles et leur défécation. On a le droit, dans le chocolat et les aliments, d'avoir une certaine partie, un petit pourcentage de coquerelles et de merde des coquerelles dans le chocolat. Wow. Oh my God! Voilà pour cet effet pour aujourd'hui. Je pense qu'on a eu pas mal. Mais tout ça, entre ça et un Big Mac... Tu sais quoi le pire? Y a rien là. Ben oui, c'est pas de la sauce mille îles, c'est de la sauce mille pattes. Parce que t'as le droit à un petit pourcentage de pâtes. Ouais, une pâte sur mille. Ouais. Miam! On retourne au palmarès, on y va directement avec la position numéro 7 du côté francophone, bien sûr. Donc on va entendre Sur la planche 2013 de La Femme. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu celle-là. Fait qu'on va aller l'entendre. On y va. Puis après ça, ben, éventuellement, si tout le monde qui devait être là est là, on pourra se faire un petit segment spécial avec tout le monde. Ouh. S'enterrer dans le sable. OK. Telle une autruche. Puis tu vas dessiner des choses obscènes sur ton corps, Mathieu. Et moi, je vous pisse tout dessus. Ah. Ben voyons. Mais non, t'es enterré. Ah, ça se rend. Fais-moi confiance, ça se rend. Même enterré jusqu'au cou, ça se rend. Ah, ben, OK. Sur la planche, sur la vague, je ressens des sensations. toujours à Assemblage Requis à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. Oh, Justine Renaud est toujours là aussi. Je suis là. Oui. On est encore en attente d'au moins une autre personne pour faire ce qu'on a envie de faire. Le lifeguard, ça prend la supervision. Oui, mais on n'arrête pas de courir nous autres sur la plage. Puis c'est comme la piscine, hein? Ben oui, on n'a pas le droit de courir nulle part. Ben oui, t'as le droit de courir à l'entour de la plage. Ouais, je voulais juste une excuse pour avoir un lifeguard. Mais pas avec un couteau. Pas OK. Ouais, c'est parce qu'on a des couteaux. Des ciseaux, ça va? Non, pas des ciseaux non plus. Un turban? Non. Je dis pas si tu veux jouer au soccer. Des aiguilles à tricoter. Non, ça c'est correct. Pas de suction dans la bouche? Non, ni dans le cou. Non, ça c'est une sucette. Ah. Mais en France, c'est l'inverse. C'est des fucks. Sucette, ouais, c'est un son, puis un son, c'est une sucette. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une dernière chanson, puis après ça, on le fait quoi qu'il arrive. Advienne que pourra. Advienne que pourra. On s'en va entendre. Ad hoc. La prochaine pièce, c'est la position numéro 6. Ciao, bye, ciao, de ponctuation. Bon. J'ai un petit. Il y a des drôles de ponctuation, d'ailleurs. Virgule. Ciao, Mathéo. Trois petits points. Mathéo. Juan Felipe. Ciao, Stéphanie. Justine. Justa, justa. Langoustine. Oh. Faites en même temps. Ah. Ah. Hey, si je pouvais changer de poste, je le ferais, je pense. Ben, tellement. On est évidemment à l'assemblage requis à la plage, tout le monde, avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis, Mathieu Plante, Justine Renaud. Et à la plage, qu'est-ce qu'on a comme tout le temps, genre? Est-ce qu'on... Oui, ça, c'est un drôle de bruit quand tu te frottes contre un ballon. Oh, wow. Oh, ça, c'est plaisant. C'est mon petit kit de cuirette. Au soleil, le cuir, c'est ça, pas... Non, j'ai eu chaud. Ah. Je sais pas si j'aime ça. Moi, non, moi, je suis pas sûr. Non, ben, moi, pour vrai... Je pense que... En plus, c'est... Wow. J'ai goût de m'en aller. OK, là, ça n'a aucune classe, par contre. Aucune classe. Stéphanie Paradis n'aime pas les ballons. Non, je me sens vraiment pas bien présentement. Je te comprends. N'est-ce-tu? Moi, je comprends pas les gens qui ont des phobies des ballons ou encore pire, ils sont excités par des ballons. C'est comme un moment donné. Bon, c'est bon, je suis pas la pire coche de la gang. Non, t'es pas pire. Non, moi, ce qui me dérange le plus, en fait, ma phobie n'est pas envers les ballons, c'est envers le goût de ces ballons-là. Ils sont vraiment dégueulasses. Est-ce qu'il y a des meilleurs ballons? C'est quoi ta marque de ballon? La marque... Avec meilleur goût? Trojan. Ah! Il a vraiment mon complet dans sa bouche. Okay. Je suis capable de me rentrer un ballon complet dans la bouche. Dégonflé. Ouais. On a assez parlé de ballons. C'est dur aujourd'hui parce que rien n'est dans l'ordre. Rien n'est dans l'ordre que ce serait supposé être. Donc, on ne sait pas trop où on s'en va. Je pense qu'on va prendre encore un petit peu de temps avant que... Non? Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, tu me regardes de même. Arrange-toi pour que Véronique rentre après moi. Ouais, c'est ça. Je me demande si on le fait à la fin de l'émission. Ton truc. On le fait maintenant. On a espéré ça à rond. Ben oui, là, tu fais dans ce que tu veux. Je te mets on the spot pas mal. Ouais. On y va, on va le faire. Bien. Yeah. Hein? Ceux qui sont pas là, ben, qui mangent, hein? Qui mangent. Donc, vous savez, ici, à Assemblage requis, il y a assez fou. En fait, vous le savez peut-être pas parce qu'on l'a pas fait depuis un bon bout de temps. Est-ce que tu me vois venir? Je veux pas te voir venir. Moi, c'est ça, je me disais. On est obligé de te voir venir? Ouais, surtout que. Ouais, c'est très dur de se concentrer ici. Il y a donc une tempête de neige, j'espère. Je sais pas, c'est la pleine lune. Ah, c'est la pleine lune? C'est quand la pleine lune? C'était cheesy comme transition, je trouve. Très cheesy. Tu devrais mettre la fin de la toune, tu sais, puis on devrait recommencer ça. Moi, je mettrais la toune du fail. Ah! Il y a plein de choses, quand on le demande! C'est le 23 juin, la pleine lune. Ah. Mais non, mais fais pas ça pour vrai. Le jour de la Saint-Jean-Baptiste. La veille de la Saint-Jean. Oh, ouais, ben, Dieu, ça va être comme dans la nuit. Ça va virer fou. Ouais, mais vous fêtez pas le 24, vous autres? Ça dépend. Nous autres, on fêtait deux soirs en ligne, juste pour être sûr. Ouais, c'est ça, t'as pas mal. Me semble que... Hey, c'était efficace, hein? Ça, c'était efficace. C'est comme vraiment quand tu le demandes, tu l'as 20 secondes après minimum. Tu sais, genre 20 secondes, donc. J'aimerais ça être capable de jouer ça. Avec ta bouche? Bon, moi, je suis officiellement tanné. Voici le cheese quiz. Cheese quiz donne ta personnalité. Il fait sensation de bien des façons. Pour les sauces, les nachos. Et tellement fait avec du végétar canadien, si succulent sous la dent. Cheese Wisdom, ta personnalité, fait avec du vrai cheddar canadien, donne la personnalité. C'est Cheese Whiz! T'as dit Cheese Whiz sous la dent? Ah, ben ça me fait plaisir de l'entendre. Oui, mais ça lui donne de la personnalité! Voilà. Enfin, il y en a une. Hey! Donc, yay! Yeah. Bienvenue au Cheese Whiz! Yay! Yeah. Et voici notre animatrice, Stéphanie Paradis! Ouais! Yay! Yeah. Bravo! Et nos participants aujourd'hui? Premier participant, Jean-Philippe Charbonneau! Olé! Salut maman! Et notre deuxième concurrente, Justine Renaud! Ouais! Hello! Bravo! Et finalement, notre concurrent fail, Mathieu Blanc! Yay! Yeah! Il répond rarement bien, mais... On va dire que c'est un personnage! Oui! On va faire ça, OK? Donc, c'est facile, c'est tout simple, le cheese quiz... On pose des questions sur un thème, vous devez bien répondre. Une bonne réponse, ça donne 2 points. Si, par contre, j'ai besoin de vous donner un indice, ça vous donne seulement 1 point. Mais bon, c'est agréable. Est-ce que ça vous tente de participer? Oui! Est-ce qu'on a des buzzers cette fois-ci? Oui, bien entendu! Donc. Ah, moi, je l'aime buzzer. La distribution des buzzers. Donc, j'ouvre mon sac banane. Oh, un sac banane. Oh! Notre premier buzzer... Celui de Mathieu, notre fail national! Il a même fait... Failé mon buzzer? Ouais, c'est ça. Notre deuxième buzzer pour Monsieur Jean-Philippe Charbonneau. Yay! Yay! Hey, c'est rendu! Voilà. Bonne réponse. Et notre buzzer pour Justine. Ah. C'est un pingouin cuisinier. Ah, il est le fun! Oh mon Dieu, je l'aime! OK, donc, s'il vous plaît... Je suis prêt. Donc, notre thème cette semaine, les animaux. Oh! Oh boy. Ouf, ouf. Donc, on commence avec la partie avec support auditif. C'est ça qu'on... Comment ça? Ou soutien de son. C'est un synthé. Donc, à qui appartient ce cri? Mathieu Plante. Hey, quand parce quand faut... je dors, ouais. Non, non, c'est parce qu'il faut buzzer, s'il vous plaît. Je te laisse y aller. T'avais répondu en premier. Jean-Philippe? Mathieu Plante quand il dort. Mais non! Mais c'est pas loin. Pas loin. Justine? Un singe. Et plus précis? Mais là, Jean-Philippe. Le paresseux. Non, c'est encore Mathieu, ça. Justine? Babouin. Un babouin! Wow! Yeah! Ça, c'est pas les babouins. C'est un pingouin. Oh! Donc, oui, le babouin. Donc, saviez-vous que plusieurs divinités du panthéon égyptien antique étaient représentées par des babouins? Ah, c'est cool. Donc, on avait Baba, le génie de la fertilité. On avait Hedjour, divinité lunaire. On avait aussi Hehet, la déesse babouin. On avait Iouf, qui est un groupe de singes armés gardant les tombes royales de la vallée des reines. Et finalement, Happy, divinité protectrice des poumons des morts. Oh. Ouais, ça, c'est bizarre. Un poumon Happy. Des morts. Ouais, c'est ça. Après et ça, tu défonces pas la cage thoracique. Exactement. Je pense à la même et en faisant mes petites recherches sur les animaux, il y a beaucoup d'extraits de films qui me sont venus en tête. Et j'ai décidé, pourquoi pas, d'associer chacun des animaux à un film. Et moi, ma référence pour le babouin, eh bien, c'est dans Le Roi Lion, le personnage de Rafiki, qui est un de ses singes. Est-ce que vous vous souvenez du petit babouin dans Le Roi Lion? Oui, il y avait les fesses rouges. Oui, comme un babouin. Ah, là, oui, là, je me rappelle. Oui. Rafiki! Celui qui prend Simba, puis il fait... Ben, il faisait le bruit qu'on a entendu tantôt, j'imagine. OK! Deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Ouais. À qui appartient ce cri? Oh, attention, support auditif. Justine? Zèbre. Yeah! Hey, bravo! Wow! Je suis désolée, j'ai été un... C'est ça, je sais pas pourquoi, mais c'était parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'ostinait au sujet du son du zèbre, puis j'ai fait... Ça sonne comme ça, puis j'ai été chercher le son pour appuyer... Tel un petit sources. Génie, elle fait ses brûlés dans les corridors de l'université. Ouais, nous autres, on cherche souvent au sujet des poulpes, des méduses, des zèbres dans le laboratoire. On est un laboratoire de neuro. Intéressant. Donc, est-ce que vous saviez pourquoi les zèbres sont rayés? Ouais. Pour tromper les prédateurs et pour s'identifier. Ben, entre autres, effectivement, les prédateurs, vous savez, comme une espèce de camouflage. Donc, quand ils courent en troupeau, c'est un peu comme buzzant. Fait que là, les lions, ils tombent sur le dos puis ils capotent. Sinon, ben, on a aussi une autre hypothèse. Ben, bien entendu, là, il n'y a rien de certain encore. Mais il y a plusieurs travaux scientifiques qui ont permis de mettre en évidence une fonction originale qui expliquerait l'apparition des rayures. Et ce serait la protection contre les piqûres de la mouche tsetse. Donc, dans les années 70, des recherches ont pointé le fait que la mouche tsetse, responsable de la maladie du sommeil à laquelle les zèbres sont plus sensibles que d'autres animaux sauvages, est attirée par la vue de larges zones monochromes. Donc, les rayures permettraient ainsi de se protéger du parasite. Il est à ce sujet significatif de constater les zones de répartition des zèbres et de l'insecte qui coïncident exactement. Donc, les rayures s'estompent chez les populations moins exposées au parasitisme de la mouche tsetse. Oh, intéressant! Ouais, ouais, ouais. Au Saguenay, la mouche, c'est la mouche là, par exemple. Ah, y a-tu des zèbres au Saguenay? Je sais pas, il y a des gens tremblés, par exemple. Ah! Et au cinéma, une apparition marquante du zèbre pour moi, mais c'est dans le film Madagascar avec le personnage de Marty qui est joué par Chris Rock. Même face. Même face, non. Pareil. Hein? C'est tellement vrai. Pareil. Donc, troisième question, encore avec support d'oreille. À qui appartient ce cri? J'ai juste fait parce que je voyais Mathieu qui allait le faire. Est-ce que ça serait une hippopotame? Ben non, pas en tout. Ah! Oh. Mathieu? On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se touffer. Oh, c'est un orignal ou un cervidé? Non! Ça doit être un genre d'oiseau là, bizarre. Là. Est-ce que vous voulez un indice? Ouais. Là, ça. À moins que vous voulez essayer, parce que l'indice, ça va vous révéler quand même. C'est pas mal, c'est quoi, là? Repasse-la encore. Faut que tu bosses, là. Parce que là, je le vois dans ma... Attends, je le vois pas dans ma tête. OK, ben, je vais donner un indice. Le petit de cet animal est le blanchon. Blanche-Neige? Et voyons, tout le monde sait ça? C'est, JP? C'est genre le fuck, là. Ouais? C'est genre le fuck. C'est genre le fuck. Ah, ben oui. Moi, je voyais un sea lion. Comment t'appelles ça, un sea lion? C'est pas une otarie? L'outre, l'outre non, de non, mer. C'est le, non, t'as l'otarie. En tout cas, une grosse affaire avec des palmes. Le morse. Mais c'est l'otarie. Le morse. Je voyais le morse dans ma tête. Non, c'est pas l'affaire avec des cornes, ça. Ben, pas des cornes, mais des deux grosses dents. Je sais, mais c'est ça que je voyais dans ma tête. Je t'ai pas dit que c'était vrai. Ah, OK. Oh là là. Donc, hey, on va vous parler du fuck. Donc, à la fin février, de retour sur les glaces du sud de l'Arctique, les femelles cherchent un endroit pour donner naissance à leurs petits. Eh bien, saviez-vous que si les conditions climatiques sont trop mauvaises ou si la banquise n'est pas encore assez épaisse, elles peuvent, grâce à leur constitution physiologique, retarder l'accouchement? Hein? Mmh. Je trouve ça fascinant. Hein, j'aimerais ça, ça. Ah. Ben, genre, tu retardes l'accouchement pour qu'il soit dans une bonne place à l'année scolaire. Ou tout simplement, tu te dis, c'est parce que là, je suis dans un taxi, on peut-tu... Ou pour avoir plus long de congé de maternité. Ouais, exactement. Ou pour avoir plus longtemps, c'est ça, les places à signer dans les magasins. Pis tout le monde gagne, ça. Ben oui. Exactement. Pour avoir des plus gros seins plus longtemps. Pour rentabiliser tes achats de vêtements. Oui. Hein? Tain, tu veux-tu qu'on t'en nomme des excuses? Ou parce que t'aimes ça te faire flatter la bédaine par des étrangers bizarres. Ah non, peut-être pas. Donc, le phoque au cinéma, ben, c'était très difficile de trouver un phoque. On trouvait des morses, des otaries, mais jamais de phoque. Fait que je me suis dit, oh, pis phoque. Jusqu'à ce qu'une de mes amies me montre le générique d'un dessin animé du milieu des années 80. Ça s'appelle Bibi Phoque. Non. Je sais pas, est-ce que vous vous rappelez de Bibi Phoque? Ben non. Moi, je pense que j'étais un petit peu trop jeune. Toi, Mathieu, ça me surprend que tu connaisses pas ça. T'es moi tellement aussi. Vieux. Hey, merci. Ça fait plaisir. Pascal. Question numéro 4. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Il n'y a pas de son, Mathieu. Tu peux... Okay. Okay. Le barissement est le nom donné au cri de l'éléphant, mais aussi à celui d'un autre animal. Lequel? Justine? Un rhinocéros. Bonne réponse! Ah, là, c'est plate, moi, lequel. C'est arrangé, ce jeu-là. Elle connaît trop d'affaires. Oh! Elle voit dans les reflets de non, mais de moi, Steph. j'ai été dans ça. Les cornes, regarder les cornes de l'éléphant, j'ai regardé les cornes de l'autre dude, puis je me suis dit que ça devait pas être ben loin. Hein? Mais il y a une différence. Par exemple, les défenses de l'éléphant, c'est creux, mais les cornes du rhinocéros, c'est plein. Et saviez-vous que cet animal peut mesurer jusqu'à 4 mètres de longueur pour 2 mètres de hauteur et peser jusqu'à 3 tonnes? Et aussi, saviez-vous que le mâle rhinocéros ne possède pas de scrotum? Hein? En effet, les testicules se trouvent à l'intérieur du corps. Et au cinéma, je crois que le rôle le plus marquant de rhinocéros est lorsque Ace Ventura sort de l'anus de ses mammifères. Bon, c'était pas un vrai rhinocéros, mais quand même, c'est très drôle. Hey, je peux te faire ma réponse joke, vu que j'ai jamais l'occasion de la faire, parce que Justine est trop bonne. Ouais, oui, donc. C'est quoi la question, déjà? La question... L'éléphant et le barissement est le nom donné au cri de l'éléphant, mais aussi à celui d'un autre animal. Barry White? Ah! Ah, c'est bon. Oh. OK, question numéro 5. Je suis un grand mammifère présentant une tête volumineuse et un corps massif, aux membres en piliers munis de 5 doigts, et je pèse en moyenne de 6 à 8 tonnes. Qui suis-je? Jean-Philippe? Le mammouth. Le mammouth? Le mammouth. Bonne réponse! C'est ça que t'allais dire? Ben oui, c'est sûr que c'est la bonne réponse. Ah. Donc, effectivement, on parle du mammouth. La dernière fois que la présence de cet animal a été attestée, c'est au nord de la Sibérie, vers 3700 avant Jésus-Christ. Donc, je pense qu'on peut dire que ça fait un bail. Hein? Cette année-là, Boston avait perdu, je pense. En 3700 avant Jésus-Christ. Ouais, c'est en prolongation, je pense. Ouais. Le but, il était bon. Ouais, on revient tout le temps là-dessus. Et au cinéma, je pense que le mammouth le plus cool est assurément Sid dans la série de films L'air de glace. Ben oui. Oh, je l'aime. Oui. Hey, moi, là, mes sous-vêtements là, sont tellement vieux là, qu'ils s'appellent Mammouth of the Loom. Je suis fou, Top de Loom. Mammouth of the Loom. Ça, c'est drôle. Point, point, point, point. Comme ça, tu peux mettre ton truc de 4 tonnes. Mon truc de 4 tonnes bien stationné dans le milieu. Du, Oh my God. Il faut un crank. On y va-tu avec la question numéro 6 à la place? Oui. Donc, je suis un rongeur de la famille des écureuils. J'ai des petites oreilles, des abajoues et ma queue est assez courte et plus ou moins fournie. Mathieu? Un Suisse? Non. Gerboise? Non. Une queue fournie, hein? Mathieu Plante. T'as la queue poilue, toi? Ah, des grosses oreilles, par exemple, ça marche pas. Des grosses? T'as des petites oreilles, ils sont rongeurs. Ah, ah, des petites oreilles. Les voix d'indice? Ben non. Non. Non, vous un chipmunk? Un ben, peut-être, c'est pas vraiment. Moi, j'ai une animal, question. Un Suisse puis un Tamia, ça, même affaire. Tamia, ouais. Ben ici, en fait, je pense qu'il n'y a pas de Suisse. Ou il n'y a pas de Tamia? Non, c'est des Tamia ici. OK. Un Suisse, je pense, ça a comme pas rapport. Tamia pas rapport. Bon, OK, c'est pas ça la question. Revenons à notre programme. Je suis un rongeur de la famille des écureuils. J'ai des petites oreilles, des abajoues et ma queue est assez courte et plus ou moins fournie. Fait que bref, on cherche une sorte d'écureuil. Un hamster? Non, une sorte d'écureuil. Un écureuil volant. Ouais, moi aussi, j'avais ça en tête. Bon, OK, je vais y aller avec un indice. Ouais, l'indice. Okay. Donc, indice. Son nom peut facilement induire en erreur sur sa vraie nature. Tabarouette. Hein? Toute une colle, là. Eh ouais, vraiment. Je peux t'appeler un ami? Non, est-ce que... J'y vais avec la famille. Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Je pense que oui. Hein, il portait confusion. Donc, un écureuil... La réponse est... Le spermophile! Oh, mais oui! Je sais c'est quoi, c'est ça le pire! Donc, son nom vient du grec sperma, qui veut dire graine, et philéine, qui veut dire aimer. Oh, donc, le nom cute. Spermophile signifie tout simplement qu'il aime les graines. Hein? Spermophile qui aime les graines, moi je trouve que ça va ensemble. C'est logique, hein? Oh. Et j'ai trouvé un spermophile au cinéma. Donc, j'ai découvert que le compagnon de Spirou, le petit écureuil Spip, c'est un spermophile. Cute! Il s'appelle Spip. Tu sais, allô, c'est clair que c'est un spermophile. Moi, je pensais que ça allait être un truc d'un cinéma 3X. Ben non! Qui était dans le rangé du fond. Ah, mais il y avait même trois grosses queues, puis il y avait des grosses oreilles. Qui est ça, le Spip? Ou le spermophile? Spip. Spirou? Spip? Ça le dit Spirou, spermophile. OK, question numéro 7. Maintenant, on tombe dans les expressions. Oh non. Expression qui signifie avoir un regard ridicule criant de niaiserie. Répète donc. Expression qui signifie avoir un regard ridicule criant de niaiserie. Ça part avec les animaux, évidemment, on rappelle. Oui, bien entendu. Avec un nom d'animal. Est-ce que je vous donne un indice tout de suite? Oui. Donc, l'animal contenu dans cette expression est un poisson. Ah, oh, t'as l'air vraiment pas sûr. Convaincu, là. Clown. Clown? Clown! Clown! Non, malheureusement. Vas-y. Mathieu? Faire une face de fish and chip. Tu sais, avec la sauce tartare, c'est quoi de la... C'est quoi de la bouche, hein? Quand il y a un peu des cuites de tartare? Ouais. Non? Ouais, t'as les yeux vitreux comme un poisson. Non, mais c'est pas le mot poisson. Tweet. Tweet. Saumon. Non, mais c'est une expression. Poulpe. OK, laisse-le faire. Je vais vous donner la réponse. C'est faire des yeux de merlan frit. Ben oui. Hein? Oh. Hey, mais moi, c'est moi qui gagne parce qu'il était frit. Moi, mon poisson fish and chip, c'est... Non. C'est... Oui, on va lui donner un point. Parce vous connaissez pas l'expression faire des yeux de merlan frit? OK, ben je voudrais donner une petite mention à mon amie Marie-Isabelle qui place beaucoup trop souvent cette expression. Donc, l'origine de cette expression, donc mettez un poisson à frire et vous verrez ses yeux devenir globuleux et luisants. Donc, dès le 18e siècle, on comparait ce regard de carpe frite à celui des amoureux transis en pamoison devant leur belle. Elle va se marier, Marie-Isabelle, fait que ça a rapport. Ouais, c'est ça. Donc, avec les... Non, mais c'est pas elle qui a des yeux de merlan frit, là. C'est faut pas tout qu'elle son tomber, entourage. Isabelle. Donc, avec l'évolution de la langue et peut-être des goûts culinaires, c'est le merlan qui fut mis à l'honneur et attesté par le Larousse à la fin du 19e siècle. Au cinéma, malheureusement, j'ai pas trouvé de film mettant en vedette un merlan, sauf peut-être Merlan l'Enchanteur. Poudoum. Refais-le. Ok. Poudoum. Yeah. Oh, hey, vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir des buzzers. Mais je jeune mentalement parce que Mathieu, il est vieux. 1983. Oh, boy. Ok, question numéro 8. Toujours dans les expressions. Expression qui signifie personnage rustre au comportement grossier. Comportement grossier. Ouais, vous êtes pas terrible aujourd'hui, là. Non, hein? Pas terrible. Hein, c'est pas terrible. T'es bonne rime. Je suis pas terrine. Non, ils font pas de rime. Tu sais, comme. Ok, répète la question. Sport, expression qui signifie personnage rustre au comportement grossier. Un vilain personnage. Un vilain pour apprendre. Vilain pingouin, c'est bon, ça? Ouais, ouais, c'est le pingouin. Ok, je vais vous donner un indice parce qu'on travaille ensemble. Mauvais. On fait même plus coco. On nous a trouvé une réponse ensemble. Donc, l'animal de cette expression possède un corps grand, trapu et massif, un long museau, un pelage dense, des pattes plantigrades à 5 griffes, non rétractiles et une queue courte. C'est pas Mathieu, non. Hey! Un ours! C'est pas Mathieu. Un grizzly. Ouais, un mais ours noir. Faut que tu me fasses une expression avec l'ours. Un personnage rustre au comportement grossier. T'es bête comme un ours. Non! Le buzzer, c'est avant. Rustre, c'est pas des gens de Grizzly-Yevski. Grizzly-Yevski, parce que okay, Russes, je pense que je vais vous donner la réponse. Donc, la réponse, c'était un ours mal léché. Oh! Tout le monde connaît cette expression, eh voyons. Oui. Et l'origine de cette expression fait allusion au mythe selon lequel l'ours façonne son petit en le léchant. Donc, un ours mal léché fut donc pendant longtemps un individu physiquement grossier avant de prendre au début du 18e siècle son sens actuel de personne rustre. Et au cinéma, ben des ours, il y en a vraiment beaucoup. Donc, on peut penser à Winnie l'ourson, Yogi l'ours, Teddy Ruxpin, la famille Berenstein ou même avec Kung Fu Panda et les ours Coca-Cola, etc. Donc, plein d'ours célèbres. Puis les annonces de papier toilette. C'est vrai? Ah, ouais. Tu vois, ah, ça, c'est des ours bien léchés. Ouais. Exactement, bien et bien torchés. Bien essuyés. Bien essuyés. Hé, hey, avant-dernière question. Question numéro 9. Est-ce que le pointage, c'est serré? Non. Est-ce que quelqu'un tient le pointage? Oui, oui, je m'en occupe. Donc, expression qui signifie se mettre en colère, réagir avec virulence à des propos, à une situation. Ah! Oh. Ah! Oh. Mathieu? Oui. Être animateur à choix. Oh. Non. Ben oui, mais c'est pas, ça donne pas de points. Il n'y a pas l'animal dedans. Ben non. Oui, c'est tout des... des points. On va t'envoyer en cours. C'est ça, moi. Merci. Donc, expression qui signifie se mettre en colère, réagir avec virulence à des propos, à une situation. Avec un animal dans l'expression. Genre, tu sais, c'est comme choque-toi pas, choque-toi pas, choque-toi pas. Choque-toi pas. Choque-toi pas. Ouais, aidez-moi, là. OK, bon. Au courant, choque. Comme ouais, un petit indice, peut-être? Oui. Bon, l'animal utilisé dans cette expression possède un trait inhabituel dans les règnes animales. Il est capable d'entrer en sommeil léger tout en restant debout. Ben là, un flamant rose. C'est bon, ça? Oh, je suis comme un flamant rose. Ben ouais, hey, ça, là, hey, ça, quand t'es comme ça, là, comme un flamant rose. Cheval, hey. Cheval. Ouais, trouve-moi l'expression. Se mettre en colère, réagir avec virulence à des propos, une situation. Abri de cheval. Tu sais, botter les jambes d'en arrière comme un cheval, là. Cheval et mes pattes. Comme un cheval. Abri des méchés. Oh, mais c'est n'importe quoi. OK, bon. Je vais vous donner la réponse, je pense. Monter sur ses grands chevaux. Oh! Excellent. Moi, t'es resté comme un petit peu boqué. David fait dire monter sur ses grands chevaux. Fait qu'il faut lui donner un point à distance. Ah, OK. Donc. Non, mais les absents ont toujours tort. Ah, David, un point. Yes. Donc. Et bas, Mathieu. c'est exactement ce que je devrais me dire. David n'est pas là et il plante Mathieu. L'origine de cette expression, ben, il y a différents types de chevaux qui étaient utilisés autrefois. On avait le palefroy pour les parades, le roncin ou semis pour les travaux des champs et le transport des marchandises, etc. Donc, on avait aussi le destrier lors des combats, et ce dernier était sans conteste le plus grand et le plus fort afin d'impressionner l'adversaire. D'où l'idée de monter sur ses grands chevaux pour partir se battre avec toute la fougue nécessaire. Puis, peu à peu, cette fougue a laissé place à l'emportement et à la colère, des sentiments tout aussi intenses. Au cinéma, ben on voit tous des films qui étaient avec genre Spirit, l'étalon des plaines. C'est tellement bon, j'ai pleuré quatre fois. Il y a aussi Flicka, ou la légende de Seabiscuit, là, comme ils disent à la TVA, mais de Seabiscuit avec Tobey Maguire. Donc, ben, le cheval est très commun dans les films, là, avec toutes les fois où il se promène sur des chevaux aussi. Sans vouloir offusquer aucune fan de cheval, mais j'ai l'impression que les fans... De chevaux. Non, mais de cheval comme l'animal. Fan de cheval comme l'animal. L'entité, voilà. Chevaline. C'est pas genre... Toutes des fans genre de Marimé puis Éric Lapointe, genre qui savent qu'il y a mes chevaux. C'est comme le commun. Là, je l'ai dit comme faux. Je juge, mais en même temps, n'est-ce pas là la vérité? C'est un peu, non? Moi, je tripe sur les chevaux quand même. Mais tu tripes pas à outrance, genre que t'as tout ce qui a rapport avec les chevaux comme autour de toi, là? Mais c'est parce que c'est Kéten. C'est ce que je dis. Ok, tu veux dire triper Kéten sur les chevaux? Genre avoir une tête d'oreiller, avec un cheval dessus. Un cheval? C'est comme les frères à cheval. Oui. Ok. Bon. Hey, dernière question, mais tout non le monde. La moindre. Donc. Ok, j'ai le bras prêt. Que signifie l'expression acheter chat en poche? Ça veut dire que tu zozotes. Puis que ce que tu voulais dire, c'est que t'avais ça dans ta poche. J'ai même pas compris sa réponse. Non. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? Répète-donc, va. Que signifie l'expression « acheter chat en poche »? C'est comme clé en main. J'ai pas la maison vient avec son propre chat. Non, pas vraiment. Mathieu, une niaiserie à dire, comme d'habitude. Chat en poche, mais j'ai rien, chat. Avec, il y a quelque chose que le vendeur t'a pas dit, là, puis genre, il va te fourrer à quelque part, là. Attends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme quelque chose qui t'ont pas dit, qui t'ont genre caché, puis ça fait un vice caché. Ben écoute, moi, personnellement, je pense que à date, t'es la plus proche dans toutes les expressions qu'on a eues. Je te donne les points. Je te donne tous les points. Tricherie. Parce que la réponse est faire acquisition d'un bien sans vérifier sa nature ou son état et conclure une affaire sans même l'examiner. Mais parce que le chat, il est en poche, tu le vois pas, le chat. Le chat est dans la poche. Mais tu l'as pas essayé, tu sais pas qu'il est là. L'origine de cette expression, les premières mentions écrites de cette expression remontent au début du 15e siècle. Poche, il signifie alors un sac, faisant allusion à celui dans lequel on enfermait le chat après sa capture. Donc, les chats pouvaient alors être vendus et généralement, l'acheteur ne se risquait pas à vérifier le contenu du sac de crainte de voir un chat furie lui sauter au visage. Et donc, au cinéma, mon chat préféré était Sassy, la chatte himalayenne, dans le film Retour au bercail. Ça, c'est bon! Et il y a aussi le regard célèbre du chat botté dans la série de films Shrek. Mais c'est déjà tout. Les Aristochats, le film de Walt Disney. Oui, ça, c'était bon. Mais moi, j'avais le livre, j'étais éduquée quand j'étais petite. Qui gagne? Qui perd? On dirait une émission à TV, ça. En quatrième position, Mathieu Plante. En troisième position, avec un point, David Ferron. Bravo! En deuxième position avec 3 points, Jean-Philippe! Et en première position qui vous botte les derrière, mes amis, avec 8 points, Justine! Là, je me rends compte que si on additionne tous nos points, on ne bat même pas. Comment? On bat même pas Justine. Tous nos points ensemble, nous trois, David, Jean-Philippe et moi. Mathieu, t'aides pas vraiment beaucoup! Moi, je suis dans le négatif, mais je me suis rendu compte que si je pète sur le côté du sac, ça fait pas de pète. Je comprends ce côté, tu savais pas ça. C'est le fun, on va savoir où pas te toucher l'avenir. Faut pas te toucher à côté du sac. Chant en poche. Justine est comme tellement bébé. Je pense que je vais y prendre son pingouin. On pensait que David Ferron était intenable, mais finalement, Justine, sur le bas. Ouais, mais elle a bu. Je regrette mon achat. Une boisson énergisante. Je regrette cet achat. Je la vois shaker de la patte. C'est agressant. Donc, merci de votre participation. Écoute, ça fait plaisir. Moi, j'ai eu du fun. Fait que moi, je remets ça dans mon sac. Jamais ce buzzer-là, s'il te plaît. Je sais pas qu'est-ce que je vais te donner la prochaine fois. N'importe quel autre sauce. Dans ton sac banane sans faire de bruit. Non, mais ça prendrait un sac à pète, mais qui prend du temps à se regonfler. Tiens, Justine, sac à pète. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Stéphanie. C'était le Cheese Quiz. Cheese Quiz donne ta personnalité. Personnalité. Il fait sensation de bien des façons. Pour les sauces, les nachos et tellement d'autres choses. Fait avec du vrai cheddar canadien. Si succulent sous la dent. Cheese Quiz donne ta personnalité. Personnalité. Fait avec du vrai cheddar canadien. Donne la personnalité. Yeah! Woo! Et maintenant, on passe à notre prochain segment. Voici tout de suite les paroles des autres. Voici la chanson de la chronique Television. Television, oh, oh yeah! Chanson thème de la chronique Television Television. La chanson évidemment s'appelle Television Television par OK Go. Et c'est sur leur deuxième album Oh No, sorti en 2005. Ah, je les avais tellement pas reconnus là. Non? Non. Le cool. Nombre de fois en plus, bah tiens, tous les mardis, d'habitude. Ben d'habitude, c'est ça, on l'a fait pas vraiment cet été. Mais bon. Mais non, j'avais jamais remarqué que c'était ça. C'est très très bon. OK Go! Retenez ça et gardez ça pour vous autres. Secret bien gardé. Fait que toi, tu t'es pas cassé la tête beaucoup quand t'as choisi ton nom de chronique. Ben, en fait, j'ai trouvé le nombre de chroniques par rapport à la chanson. C'est des fois, ça dépend. Il y a des chroniques où tu cherches le nom et tu trouves. Fait que ça, c'est-tu homonyme ou éponyme? Homonyme, moi je dis tout le temps homonyme parce que c'est safe. Tu sais que c'est deux fois le même nom, c'est tout ce que ça veut dire. Voilà. Donc, ben, on continue avec un petit peu de palmarès francophone avant l'arrivée de Véronique Mire et sa chronique de Z à A. Position numéro 5 du côté francophone. Hey, c'est Lettre d'amour de Caféine. Bon. Crée mon frère, rien que ça de la caféine depuis le début d'après-midi. Ah, c'est l'enfer. Shake. Ouais, le cœur se fait aller. Je palpite. Ouais. Comme une pépite de poulet. Ah, ok. Je pensais que c'était comme le bruit des petits oiseaux. Je pépite. Je pépite. Elle est bonne. Ben, attends, ah, j'ai plus mon pet. Je palpite. J'aurais fait un bruit de pet si. Justine, réaction. Fais un bruit de pet. Un mot. Pas suffisant sur le monde. Hein. Ah, tu veux serrer dans ton sac banane? Ben oui, je laisse tout ça là. Ça fait un sac banane qui devient un sac à pète au complet, ça. Okay. 500 jours de larmes et de malheur à paralyser le moindre petit bonheur. Chasser les papillons et puis les épingler. Hélas, ils n'ont pas des couleurs. Assis dans le bus, pris par la police. Mon cœur a décousu, mais sorti. Le feu et le papier entameront la valse, la valse, la valse des morts. Une histoire d'horreur au bulletin de 6 heures. Rends-moi mon bonheur, redonne-moi mon cœur. Retourner à l'école ou vivre dans la rue, c'est tout à fait pareil si toi tu n'y es plus. J'enfarge ma lutte et je boxe mon judo. Hélas, je ne suis plus un vainqueur. Je passe à la télé, mais j'en ai rien à chier. J'ai plus envie de rire, plus envie de danser. Mon âme est en exode, mon cou est dans la corde. La vie n'est pas de mon côté. Histoire d'horreur au bulletin de 6 heures. Rends-moi mon bonheur, redonne-moi mon cœur. Moi dans la superbe, bye à Justine. Bye, Justine. Bye, bye, Justine. Toujours ensemble à jouer à la plage avec Jean-Philippe Chameau, Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. Il reste seulement une petite demi-heure à l'émission d'aujourd'hui avant la prochaine émission qui, bien sûr, le jeudi est Rock et Révélé. Le samedi, évidemment, c'est le voyage. Hein? C'est l'album qui s'est et, oui. Et le dimanche, c'est Jour de Bleu. Oui, qui s'en vient avec Simon Fidbé. Mais c'est ça, il reste encore une demi-heure et Véronique Mire devrait s'en venir pour sa chronique de Z à A. Il va faire la lettre U aujourd'hui, c'est apparemment ce qui s'en vient. Espérons-le bien. Uruguay. Uruguay. C'est bon ça? Utopie. Oh! Hey! Ah. Ulysse. Ultimate. Ultime. Urbain. Urbain, j'aime ça. Ouais. Ben, je l'ai dit tantôt, Uirette, hein, c'est pas très drôle. C'était un peu. Ouais, ben, c'est dépassé. Une fois, c'était pas drôle, imagine deux. Ouais. ça, pourtant, ça résume ma vie, pas la tienne. On s'était changé ouais, de mon carrière de. Ouais, c'est ça, on a comme eu un éclair, là, puis là. Un éclair. tu vois, hein? Ouais, tu ouais, vois. Ouais. Position numéro 4, du côté francophone, toujours dans le palmarès de C'est fou, hein, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, c'est FM ou ben donc FMU de Otech. Tu vois, ça, c'est bizarre. Ça commence par deux O. Outek ou Otek, dépendant des gens, tu sais. Ouais. Comme dans un zoo, est-ce que tu dis zoo ou zoo? En fait, faudrait dire un zoo. Ouais, en ouais. effet. Et dans cool, est-ce que tu devrais dire koal? Non, mais... Le cerveau pff, explosé. De l'alcool. Oui, mais dans l'alcool, cool, l'alcool, la friction. L'alcool. Voir que tu connais ça, l'alcool. Oh, j'ai un ulcère. Ulcère. Ah, oh, c'est bon, ça. Ouais. Fou. numéro 3. La position numéro 3 du palmarès francophone de ces fous vacances de 87 par le couleur. Ça descend de deux places sur leur album Voyage Love. Et maintenant, ben, avec le temps qui nous reste, je pense qu'on va faire Sex Smith, ça devrait répondre là. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Bon, oui! On se garde, on se garde. Ready? Oui! Ready? Les absences des uns créent la récompense des autres en se permettant la chronique express de répondre là, où on vous présente des gadgets à acheter avec l'argent que vous avez cet été. Hein. Tout le monde, l'été, c'est la grosse période. Là. L'argent rentre le bacon! L'enfer! Moi, j'ai trouvé un puits de pétrole en dessous de chez nous. C'est ça. Ce qu'on dit pas, c'est que t'habites en Alberta. Tu fais l'émission live en Alberta. Oui, depuis... avec Kiwan. C'est ça, avec Kiwan. À distance, ça fait de la bonne radio. Ouais, plein de Q, là, comme ça. Oh yeah. Parlant de bacon, ramener le bacon, l'argent, argent bacon, si on se comprend. Le bacon, c'est toujours bon, c'est à la mode. Sur Internet, tout le monde capote sur tout ce qui se fait au bacon. C'est la gomme au bacon. Il y a de même des desserts. Dessert au bacon. C'est à la mode. C'est vrai. Imagine si tu pouvais ajouter en plus un breuvage, genre un café au bacon et à l'érable. Hein? Non, mais pour vrai, ça a l'air vraiment merveilleux. Vas-y. Ouais. Ben ça, c'est idéal, tu sais, quand tu déjeunes. Ouais. Tu déjeunes du bacon. T'as déjà la saveur du bacon en bouche. Là, tu prends une gorgée de café, puis ton café te rappelle la bave, le bonheur c'est normal. Que t'avais en mangeant ta tranche de bacon, puis tu te demandes pourquoi t'as pas commandé d'extra. Puis ton bacon crépite dans le poêle, tu touches à ton bacon, tous tes sens sont comblés. Oui. Ouais, j'ai aussi vu de l'huile d'olive au bacon. Wow! Ça doit être bon! Hey, si tu t'entoures le zoui-zoui de bacon, tes six sens sont cons. Hey, je pensais à la même chose. Ouais, hein, ben tu vois. Une petite saucisse enrobée. Ouais, moi aussi, je pensais à ça. C'est le Maple Bacon Morning Coffee de Boca Jova. Et puis, c'est 8$ pour un sac de 8 onces. Bon, c'est pas trop cher. S'ils en font pas pour l'écurie, moi, ça m'intéresse pas. Ah, ben voilà. Hein. Ensuite, tiens, si t'as, si t'as un iPad et qui est encore fonctionnel, tu vas pouvoir attacher dessus ton smart cover. Quand tout le monde a un smart cover après son iPad, c'est le petit truc de caoutchouc que tu peux faire un stand avec. C'était bien à la mode quand c'est sorti. Donc ici, c'est que tu peux attacher ce petit genre de Smart Cargo-là, c'est le nom du produit. C'est aimanté, c'est un petit compartiment aimanté que tu colles sur ton Smart Cover, qui est la couverture magnétique du iPad. Et dedans, il y a une porte et tu peux mettre tes écouteurs, ton fil USB, un stylo, n'importe quoi. Et tout ça tient avec des aimants après ton iPad. Donc c'est utilisé en accompagnement avec le Apple Smart Cover. 14 aimants, donc ça va tenir. C'est fait pour durer. Contrairement au iPad lui-même. J'aime ça. C'est sur Kickstarter en ce moment, donc ça attend des dons. Tu peux proposer de donner de l'argent pour si un jour ça se fait, tu vas avoir un rabais. Vas-y. Hey, je pensais à toi, je pense que c'est cette semaine ou la semaine passée, je me souviens plus. Pense à moi quand tu veux. Oh, des fois quand je dors. est-ce que t'as vu John Lajoie partir sur Kickstarter? Non, j'ai pas vu ça. Ah, ben écoute, je vais le mettre sur la page d'Assemblage Requis. OK. Puis on écoutera ça, on s'en reparlera la semaine prochaine. Puis on se cotise, puis on donne de l'argent. Ouais. Good. Coca-Cola, on en parlait la semaine passée parce qu'ils avaient fait des canettes doubles. Donc une canette que tu pouvais séparer en deux et donner à ton ami. Ça, c'était une super bonne idée. Et bien, Coca-Cola innove encore en fabriquant une bouteille de glace. Donc une bouteille qui va fondre. Pendant que, ben, alors, vous la buvez, puis à la fin, elle va fondre, et donc, c'est complètement 100% écologique. Je suis une toute petite étiquette dessus. Allez voir la vidéo. C'est en Colombie, si je me rappelle bien. Quelque chose comme ça. Donc, une bouteille de Coke qui fond. Faut pas que tu la sirotes, hein? Ouais, mais ça doit être tannant sur la main. Ben, ça doit être frais. Pas pire qu'un popsicle qui va fondre tranquillement. Ouais, mais tu as un bâton, là. Ah oh, oui, mais là, la bouteille, il faut que tu la tiennes directement la glace. Mais c'est des très petites bouteilles. Donc, tu as vu que la glace est quand même relativement épaisse, donc va durer longtemps. Et donc, il n'y a pas beaucoup de liquide à l'intérieur de la bouteille. Mais c'est froid, pareil, sur les mains. Oh, mais tu as une étiquette en bas, là. Mais oui, mais c'est pas assez. On tenait notre canette tantôt dans nos mains, puis on voulait mourir des doigts. Mais on a des mains de filles, toi, et deux. Je m'assume. Non, mais moi, je traîne ton café, par exemple. La chaleur, ça va? Il y a ça. Oui, toi, et la chaleur. Oh, le petit chien qui liche la bouteille. Ah, j'ai pas vu. Oh, c'est donc bien cute. Enfin, justement, j'allais dire, faites attention à quand vous mettez vos lèvres dessus. Tu sais? En tout cas. J'espère que c'est fait avec de l'eau potable. Ah, ben là. Quoi qu'on sait, on a appris plutôt avec Justine qu'il fallait pas boire l'eau quand on va dans des pays étrangers. Ça, non, ça, on savait, mais les melons d'eau. Faut pas manger de melon d'eau parce qu'ils bourrent ça d'eau. Ensuite, le prochain gadget est une tasse qu'on ne pourra jamais renverser. C'est pour les maladroits de ce monde. On nommera pas personne, mais les maladroits qui renversent tout sur, mettons, leur clavier, mettons, d'ordinateur. Mettons quoi? Comme ça. Mettons. Donc, c'est une tasse qui s'appelle la Mighty Mug. C'est pour les grands maladroits. Donc, il y a un dessous, le dessous de la tasse et ce qu'on appelle du smart grip. Donc, ça va empêcher ta tasse de se renverser. On peut tenir jusqu'à 16 onces de liquide et c'est 100 BPA. C'est vraiment cool. Fais les autres. Rien, je pointais... Comme Vanna White à la roue de fortune. Exact. On aime ça. Ensuite, Depuis que Disney a racheté la compagnie qui produit Star Wars, vous le savez, c'est arrivé il y a quelques mois. Donc ici, on a un mash-up. C'est le Deluxe R2-D2 Mickey Ears Hat. Donc, c'est un chapeau qui représente R2-D2 et qui a des oreilles de Mickey Mouse. Oui! Non! Oui! Je refuse. Pourquoi? Sacrilège. Ben, peut-être pas. Non, non, je m'excuse, là, tu peux pas... mixer R2-D2 puis Mickey Mouse, ça ne se reproduit pas ensemble. Je trouve ça aberrant, tout simplement, que tu mets des oreilles de Mickey Mouse à un R2-D2. Bon. Ben, si c'est assez clair. Si tu le dis. Ouais. Ensuite, c'est un boîtier pour votre iPhone 5, mais avec des blocs Lego. Très, très joli. C'est tellement cool. Ben, c'est que ça fait rétro parce qu'en plus, le case en tant que tel ressemble à un téléphone des années 80-90. Un cellulaire, des années 80. Wow. Avec une grosse antenne. Et puis, on peut se le procurer sur le site de Belkin. Donc, ce n'est pas un concept, c'est vraiment un produit qu'on peut acheter. Oui! 40$ en jaune, mauve et noir. Mais on nous le présente en rouge. Ben, c'est bizarre parce que quand on va sur le site de Belkin, ça nous montre juste un classique case et non pas le case avec le gros téléphone dessus. Je me demande, mais bref, allez voir l'article, les détails sont tous là-dessus. Moi, je veux le gros case, donc je m'achète un iPhone juste pour ça. Juste pour ça. Ensuite de ça, c'est du bacon à offrir en cadeau. J'ai pas lu l'article. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai pas lu l'article. Donc, la vente des pères s'en vient. Si vous demandez quoi acheter à votre papa, c'est donc une boîte remplie de bacon. Et c'est une boîte qui a un contrôle du climat. Oui, parce qu'on sait que le bacon est difficile sur son environnement. Sur son environnement. Donc, c'est Oscar Mayer qui nous propose cette boîte-là pour envoyer du bacon en cadeau. Ah, ben, c'est drôle, ça. C'est comme une boîte de cigares, mais avec du bacon. Exact. C'est beau. Boîte à collectionner, donc vous allez pouvoir mettre le bacon que vous voulez pour entre 22$ et 28$. Ça s'appelle Say It With Bacon, c'est disponible pour achat en ligne. Ah oui, pour ouvrir une boîte de bacon, tu sais, ça le dit, je t'aime. I love you! Je vais sauter quelques affaires. Tiens, celui-là, ça, c'est vraiment cool. C'est une voiture qui est légale, donc qui peut prendre la route, mais qui ressemble et fonctionne comme un bumper car. Tu sais, les voitures dans les parcs thématiques dont on parlait, des auto-tamponneuses. C'est comme ça qu'on appelle ça, je pense? Oui, exactement. Donc, c'est un vendeur qui s'appelle Bumper Car Guy. C'est en vente sur eBay. Et en fait, non, ça, déjà, la vente est terminée. Et on dit, c'est une 1984 Dodge Colt modifiée pour ressembler à une auto-tamponneuse. Et à la fin, le gars qui a gagné a payé 2938$ pour cette voiture-là. Hey, mais c'est pas cher. Non. Ben non, c'est un roule en plus. Hey, y a même un restant du barreau en arrière sur la valise. Ouais. Mais pour vrai, je la trouve belle. Vraiment cool. Allez voir sur assemblagerequis.com pour la fête. Avec le petit barreau dans les airs, on dirait quasiment un panier du dollar à main. Oui, pour les enfants. Tu peux sortir même avec le bâton. Non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça sert à quoi le bâton? Il accroche tout le temps des cochonneries après ça, thématiques. Genre à Noël, il y a une tuque. Puis à Pâques, il y a un lapin est mort. Son petit bébé. Un épouvantail. À Saint-Valentin, il y a un vrai cœur. Tiens, si vous avez des emmerdeurs dans votre vie et que vous voulez vous en débarrasser, ici, c'est un petit genre de gadget. En fait, c'est comme une canne de spray de la compagnie Acme. On connaît Acme pour les dessins animés. Donc, ouais, c'est les explosifs rouges. Oui, comme dans Roadrunner. Donc, c'est le Asshole Repellent. Pourquoi pas pour se débarrasser des emmerdeurs de votre vie. Donc, c'est vraiment juste une canne de spray. Et puis, c'est fait pour éliminer les emmerdeurs. C'est un gag. C'est un gag. Et du spray net dans les yeux, je suis sûr que ça marche. Oh oui. Tiens, si vous êtes un fan de Mario, vous êtes un fan de Bowser, sûrement la grosse tortue qui sert de boss de fin. Bien entendu. Ici, on vous propose de tricoter votre propre petit recouvre-tortue, mais une vraie tortue, l'animal, okay, pour lui donner une carapace de Koopa. C'est joli, hein? Donc, c'est sur le blog Squirrel Picnic. Et on peut vous... en fait, on vous montre comment le faire. Les instructions détaillées sur assemblagerequis.com. C'est comme du macramé. Ça ressemble à du macramé. C'est cool. Oui, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Et, mais pauvre tortue, quand même, non? Ben, tu sais, elle sait pas. Mais elle sait pas. Elle l'a sur le dos. Oui, mais elle s'en fout, c'est une tortue. Parlant de ceux qui aiment tricoter, on saute un petit peu plus loin dans les gadgets ici. Mais vers la fin des liens sur assemblagerequis.com, on vous montre la photo de... d'aiguilles à tricoter, mais en lightsaber et qui s'allume, qui sait qu'il y a de la luminosité dedans. Donc, vous allez pouvoir tricoter avec ces bâtons-là. C'est des do-it-yourself, donc les instructions détaillées encore une fois sur le site. Hein, ça valait la peine de changer de lien pour y aller. Ça me fait un peu penser. Moi, j'ai acheté des baguettes à sushi, mais c'est vraiment en forme de sabre laser. Malheureusement, ils n'illuminent pas. Mais sont vraiment beaux. Le bout, c'est vraiment comme le manche avec le petit sable laser bleu. Sont vraiment beaux. Magnifiques. Ça serait vraiment un plus-value, par exemple, qui illumine. C'est vrai. Mais il était déjà assez cher pour rien. Donc, on va laisser faire la petite lumière. Tout devrait être lumineux dans la vie. Ouais. On y va avec... Ah oui? Moi, j'achète. Je sais pas, j'essaie d'en trouver des intéressants pour terminer ici. Donc, le prochain, c'est un... est-ce que j'ai déjà fait celui-là? Je pense que j'ai peut-être déjà fait. Mais c'est un chandail avec une main de dessiner dessus et une pochette transparente. Donc, tu insères ton iPhone ou ton iPod dans la petite pochette et t'as l'impression d'avoir une troisième main. Ah, c'est pas dégueu? Non, c'est assez dessin animé ou bande dessinée pour que ça ait l'air drôle. Ça coûte 60$ pour ce t-shirt-là. C'est le Hand T-shirt sur le site de Generate. Ensuite de ça... pour les enfants qui veulent avoir un iPhone ou un iPod Touch, mais que vous voulez pas lui mettre ça entre les mains parce que ce serait beaucoup trop facile de l'échapper et le casser. Ben oui. Donc, le iWoody, c'est un smartphone pour les enfants avec une craie. Donc, les écouteurs, c'est pas un vrai iPhone, il est fait en bois, ben en tout cas, quelque chose qui ressemble à du bois. Et au milieu, il y a un tableau. Et les écouteurs sont comme des effaces craies et des craies. Donc, vous pouvez dessiner sur l'iPhone, faire comme un adulte, si on veut. Hey, c'est plate en calvaire. Pour vrai, là, une journée, puis il ne joue jamais avec ça. Tu t'annes vite, peut-être. Hein? Tiens, celui-là, moi, sérieusement, c'est quelque chose que j'ai toujours dit dans la vie. Les sacs d'épicerie dans la valise, c'est vraiment triste. Tu sais, parce qu'ils vont tout le temps tomber. Les affaires dedans vont piler une par-dessus les autres. Donc, les trunk dividers vont empêcher vos bagages de bouger dans la valise. Donc, c'est vraiment des morceaux de plastique de différentes couleurs. Ici, je les ai en orange. Et tu peux les mettre n'importe où dans ta valise pour tenir, par exemple, tes pots de fleurs, tes bouteilles d'eau. Tu sais, des affaires qui vont tout le temps faire badaboum badaboum dans la voiture. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Les stay hold dividers. Mais je regarde ça et je me demande, les trucs de plastique, comment ils tiennent au fond de la valise? Avec le poids. Ici. Ah oui, c'est parce que c'est plat. Oui. C'est plat, puis c'est divisé en deux, mais c'est comme un porte-livre. Exactement. Ben, c'est ça. C'est comme un morceau de plastique avec un séparateur dans le milieu. Donc, si sur les côtés, tu mets tes bouteilles d'eau, tes affaires lourdes, c'est ça va tenir. Ouais, oui, mais le morceau de plastique, il glisse pas, lui, quand la voiture tourne. Ah, ça le dit pas, hein. Ben, au moins, ça tient debout. C'est même si ça bouge, au moins, ça tient debout, ça viendra pas effoirer ton pain baguette française. Ben, je sais pas. Si, admettons, il recule, puis là, il revient par en avant, il va pousser la baguette. Moi, je comprends. J'avoue, ben mets-en plusieurs, mets-en partout, fais remplir ta valise de ça. Va chez Costco puis achète-en vraiment beaucoup pour que ça soit vraiment tight. Ouais. ça coûte 13$ chaque, donc pour ces petits gadgets-là. Et moi, j'ai des crochets dans ma valise. C'est vraiment bien pensé. Oh, bonne idée. Ouais, mais 100 ans, t'as pas une voiture à 5$, là? Ouais, mais là, ça coûte rien des crochets, là. N'importe quelle voiture pour avoir un crochet. Ben, je sais pas. Ben, faudrait que tu me montres comment c'est fait. Je le visualise pas. Moi, pour vrai, mon épicerie, je la mets derrière les bancs. Les bancs. Fait que ça tombe pas, ça rentre juste. On dirait que c'est fait pour ça. Ouais. Ouais, vraiment. Ben, je vous montrerai ça. Il y a encore plein de zones campus en plus. Hey! Faut dire ça à voix haute. Donc voilà, pour ça, ça ne devrait pas. On l'a. On se fait ça une fois de temps en temps ici, assemblage requis. Et ça c'est fait du bien. Mais maintenant, on a besoin de dépenser. Jamais assez de choses à acheter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on achète pour vrai? Moi, pour vrai, le case pour le iPhone, je trouve ça magnifique. C'est juste plate que j'aille pas de iPhone. Je sais pas si ça marche pour le iPod Touch. Ben, je sais pas. Ben, coudonc. Bon, faut voir. J'irais peut-être. Les séparateurs de bon pour la valise, je trouve que c'est ce qui est le plus utile dans la chronique. Reste à voir si ça tient pour vrai sur place. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, entre 14h et 18h. Restez à l'écoute parce que Serge Nadeau s'en vient avec Rock Révélé dans quelques minutes à 18h pour ceux qui nous écoutent le jeudi. On repasse le samedi entre midi et 16h après nous. C'est le Voyage de Solide et album classique en rappel. Et finalement, dimanche, entre 10h et 14h après nous, c'est un genre de bleu avec Simon Fitzbay. Allez voir sur le cif.ca pour la programmation complète et puis assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec le numéro 1. On saute par-dessus le numéro 2 qui était bien évidemment... Alec Neski avec Tuer le désir. Mm-hmm. Et on se quitte avec le numéro 1. Qui a monté de 2 places, c'est Petit singe robot de Violette Pie. Voilà. Passez une belle fin de semaine, une belle semaine. Salut, bye. Gang. Bye. Bye. Hey, merci à Justine Renaud, David Ferron, Sly... Et pas mal ça. Pas mal ça. Ouais, moi, Steph, moi. Jean-Philippe. Ouais, merci à toi, Mathieu. Merci. Hey, oublie pas d'écouter aucun outil requis les mercredis à 13h avec Jean-Philippe. Oui. Tu connais ça, Mathieu? Ouais. Bye. Veux-tu être à moi? Veux-tu être à moi? Veux-tu être à moi?